feu dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. On regardera ce qui se passe dans le monde du marketing dans la chronique Le Bloc Pub. On dévoilera le groupe en vedette lors des soirées cachées c'est fou de ce soir. Et on goûtera à la bouffe et à la malbouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 20 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis s'en vient dans quelques minutes. Aujourd'hui, à l'émission, malheureusement, on n'a pas François Landry. Il faut commencer par la mauvaise nouvelle pour pouvoir après ça vous donner les bonnes nouvelles. Pas de François Landry, il est malade. On lui souhaite un très bon rétablissement, ou prompt. On utilise rarement le mot prompt ailleurs que dans prompt rétablissement, donc profitons-en. Profitons-en! Même ça, je fais des jokes poches. Donc, à la place, on va faire tout plein d'autres chroniques maison pour compenser. On va voir, entre autres, les instructions d'assemblage où on apprend comment mieux vivre. On va aussi avoir la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis tantôt. Évidemment, son pendant masculin de mon bar, la malbouffe de la semaine, juste après. Alors, on va aussi, on va se rendre en direct à notre couverture complète des Jeux olympiques de Sochi. Ça s'en vient plus tard dans l'émission. On va aussi suivre, encore une fois, les palpitantes péripéties de notre ami JP dans les péripéties de JP. Tout ça. Et la seule chose qu'on a de spécial, autre que des trucs maison, c'est à 8h, alors qu'on va recevoir les gens qui s'occupent des soirées cachées, c'est fou. Ça a lieu ce soir à 22h à la Chasse-Galerie. C'est tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, l'endroit, l'heure et le jour. Oui, on sait depuis quelques semaines quand même que ça avait lieu jeudi ce soir. On va savoir le groupe en exclusivité tout à l'heure à 8h. Mais pour l'instant, pour débuter l'émission, allons-y avec nos amis d'Ariel sur leur nouvel album Fauve. Voici Vice étrange sur C'est fou, dans vos oreilles. De dépressant en stimulant, dum dum bon down, dun dun, donnez-moi de quoi toffer la run. De dépressant en stimulant, dum dum bon down, fun fun, que de choix. Cacher ce con. Je la joue bien trop souvent, je l'adore cette pièce. Ça, c'est Vice étrange. De Marielle! Marielle! Ça, c'est quand j'aime quelque chose, je dis Marielle, comme quand je dis Stéphanie Paradis. Salut! Allô! Je suis arrivée! Yeah! Je suis désolée, je pensais, honnêtement, hier, j'ai regardé la météo, puis ça disait au-dessus de zéro. Je m'attendais pas à ce que mon auto soit igloo style ce matin. Igloo style! Ouais. J'ai juste été, comment je dirais ça, pas très prévoyante. Prévoyante. Ben, le futé comme toi. Je sais pas, là. Je sais aussi que si quelqu'un a trouvé des clés dans le stationnement de Buck Barn, ben, Colin, c'était Stéphanie. Ben, ah, bref, je cherche une clé de voiture sur une belle leech de C'est Fou. S'il vous plaît. Tu disais, si quelqu'un est assez intelligent qui a remarqué la leech de C'est Fou, il va pouvoir appeler à C'est Fou pour dire hey, j'ai des clés, ça. Mais j'ai des doutes. Tu n'estimes pas les gens, là. Non, des fois, l'humanité me déçoit. Oui. Ben, en tout cas, j'espère que c'est juste tombé dans mon garde-robe. Peut-être. Mais je penserais pas, parce que d'habitude, c'est quand je sors mes clés que ça revole, pas quand je les mets dans mes poches. Mais c'est nos courants, tu sais. C'est nos courants. Le grand public, faut pas le surestimer, mais faut pas le sous-estimer non plus parce qu'il est capable de comprendre bien des choses. Oui, il est quand même moyen, là. C'est ça, public cible moyen. Et c'est envers lui qu'on diffuse des publicités et on en parle dans le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime Marine Land. Je préfère le goût de Burger King. Ooh, baby, baby, baby, baby, baby. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub où on parle de publicité, bien sûr, et on commence en reculant un petit peu à la Saint-Valentin, Stéphanie. Quelques petites nouvelles par rapport à ça. Il y a un gars, un homme, qui a écrit une annonce dans le journal, et s'il y a de quoi qui est une publicité, c'est bien une annonce classée, ça le dit dans le nom, annonce classée. Oui. Donc, c'est un gars qui a écrit dans le journal le message suivant. Je sais pas combien de caractères je peux mettre dans une de ces publicités, dans une de ces petites annonces-là, mais quand même, je m'essaye. Donc, je vais te demander une question très, très importante et une question qui a rapport avec le moment où on est situé dans l'année. C'est la Saint-Valentin. Donc, la phrase continue. Will you ma? OK? Sauf que ça arrête parce qu'il y a manqué de caractères. Et il y a une deuxième pub en dessous qui dit dinner tonight. Donc, will you make dinner tonight? Au lieu de veux-tu me marier, c'est veux-tu me faire à souper? Ah, oh, c'est cute, hein? Because I can of want to finish Breaking Bad. Ah oui, il veut finir Breaking Bad. Oh! Et oui, donc c'est ça. Je me reconnais là-dedans. Mais honnêtement, je préférais que mon chum me pose cette question-là plutôt que veux-tu m'épouser? J'avoue, hein? Je serais beaucoup moins mal à l'aise. Ouais. Ouais, en effet. Donc, publicité en deux parties, c'est dans le journal Launceston Examiner de l'Australie. Il y a quand même une grosse affaire en arrière de ça. Il a payé deux publicités. Deux fois le prix. Quand même. Et on s'en va à Paris, toujours dans le domaine de la Saint-Valentin, pour les urgences amoureuses. Disons que la flamme amoureuse vous enflamme, pourquoi pas, à Paris, pendant la Saint-Valentin, on parle d'il y a quelques jours quand même, mais il va falloir être prêt. Hein? Et le Flower Council of Holland, donc qui est un groupe qui rassemble des fleuristes pour les aider à avoir de plus de chiffres d'affaires, les aider dans leur entreprise. Donc, ils ont installé, eux, 1500 petites boîtes rouges qui ressemblent aux boîtes d'urgence avec la petite... Qu'est-ce que c'est dans ces petites boîtes-là avec la vitre, briser la vitre? Là? C'est quoi qu'il y a là-dedans? Un extincteur, hein? C'est ça. Ben non, mais dans une petite vitre, c'est juste le marteau. Truc. Non? Ah, le truc, oui, je comprends le truc que tu tiens pour ça. Pour partir l'alarme d'incendie. Exactement. Mais sinon, dans des plus grosses boîtes, c'est en cas de feu, d'habitude, il y a, je sais pas, un boyau d'arrosage. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Pas mal ça, hein? On dirait que, honnêtement, s'il y avait un incendie puis que je me retrouvais avec une hache dans les mains, je saurais pas tant quoi faire. Un remake du film de Terry Fox. Je briserais des portes au hasard, là. Tu passerais dans Walking Dead, tu verrais des zombies, je sais pas trop quoi. Oh, des plans que je brise des gens. Bref, ils ont installé 1500 petites boîtes rouges, mais à la place d'avoir, comme on disait, des trucs d'alarme à l'intérieur, ben c'est une seule rose. Donc, en cas d'amour au premier regard, hein, tu brises la vitre, mais c'est pas une vraie vitre, là, c'est un petit cellophane, genre, mais ça ressemble à de la vitre. Et tu prends la petite fleur et tu donnes ça à quelqu'un. C'est cute, là. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais je me demande juste combien de temps ça a été là avant d'être vandalisé. Ah, voilà. Ça n'a pas dû être long. L'effet de surprise. Je veux pas être défaitiste. L'effet de curiosité, non, c'est ça. On reste à Paris, en fait. Comment rendre Paris encore plus beau? Ben, en remplaçant les publicités par des peintures classiques. Des peintures d'antan. Donc, ils remplacent des publicités dans sur des panneaux à Paris. Donc, c'est de la série de publicité qui s'appelle OMG Who Stole My Ads, qui est une série de photos provocantes par l'artiste français Étienne Lavie. Hein? C'est en hommage à la vie en Mauricie, ça, je pense qu'ils l'ont nommé. Donc, la vie qui est composée c'est ça, de photos. C'est des photos de ces œuvres d'art-là. Évidemment, on ne sait pas, et c'est le principe, c'est qu'on ne sait pas s'il a vraiment remplacé les publicités par des peintures dans la vraie vie ou s'il a fait ça par Photoshop après. D'après moi, c'est Photoshop parce que ce serait beaucoup trop compliqué et illégal probablement d'enlever les publicités. Mais bon. Mais c'est beau. C'est très beau. C'est ça, et ça montre comment la vie continue d'évoluer alors que l'art reste le même dans le paysage français. C'est un petit peu anachronique. Est-ce que c'est ça qu'on dit anachronique? Puis, quelque chose qui me fait dire aussi que c'est Photoshop, c'est que sur la deuxième photo, les couleurs du ciel fitent beaucoup trop avec les couleurs de la peinture. C'est vrai? Donc, ça, je pense, ça aurait été un hasard un peu trop élaboré. Hasardeux. Ouais, c'est ça. Exact. On reste dans le domaine artistique avec des publicités dans les arrêts d'autobus, mais qu'on peut gratter pour révéler quelque chose en dessous. Très bonne idée, c'est Scratch le musée. And Discover. Exactement. Bien dit. Donc, c'est le Museum of Contemporary Art à Chicago, le musée d'art contemporain, qui utilise des publicités à gratter dans les abribus. Ça s'appelle, c'est pour une de leurs expositions qui s'appelle The Way of the Shovel, Art as Archaeology. Donc, les publicités sont imprimées sur un papier, sur un plastique transparent avec un éclairage. Et puis, tu grattais la couche opaque pour révéler l'art qu'il y avait en dessous. Donc, c'est une campagne publicitaire qui, évidemment, on ne pourrait pas utiliser des vraies pelles parce que ce serait beaucoup trop compliqué. On nous dit qu'on pourrait peut-être utiliser ça pour des annonces pour des films ou des pièces de théâtre qui auraient rapport avec peut-être l'archéologie ou les dinosaures, peut-être justement Jurassic Park à un moment donné pour essayer ça. Ça peut être long avant de voir l'image au complet, par exemple. Tu dis. Mais bon. Et encore une fois, le vandalisme, hein, t'sais. Quelqu'un qui met de la peinture dessus en canne. Ben non, en fait, ça, moi, j'ai l'impression que ça va prévenir le vandalisme parce que justement, tu peux gratter celle-là. Tu peux un peu la gronger ton défaire. Même. Ouais, c'est exact. Ça. Maintenant, ça va en Suède, chez McDonald's, qui annonce leur Big Mac en plein à la frontière entre deux pays. Donc, c'est pour rire un petit peu de ses voisins. C'est par DDB Stockholm. Donc, ils sont exactement à la frontière entre la Suède et la Norvège. Et le panneau publicitaire montre le prix qui est vraiment différent pour les Big Macs entre les Big Mac au pluriel. Hein? Bon. Donc, entre les deux pays, les différences de prix sont assez considérables. On dit, selon le site The Economist, le Big Mac Index nous montre depuis des décennies le prix des hamburgers McDonald's comme comparatif de la valeur de l'argent partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un index où tu peux voir, bon, tu sais, dans certains pays, l'argent vaut tel prix parce que le Big Mac coûte cet équivalent-là en ton argent local. Bon. Bref, en Norvège, le Big Mac a été déclaré le plus cher du monde entier. À cause de leur économie assez bizarre là-bas par rapport au pétrole et puis les salaires des gens, même les gens qui font juste tourner des boulettes. Pas qu'on veut réduire votre poste à juste virer les boulettes, mais c'est quand même pas mal ça que vous faites. Mais ils coûtent très très cher là-bas, ces employés-là. Donc, DDB nous raconte que les gens de la Norvège traversent déjà la frontière pour aller s'acheter des produits dans l'autre pays. En Norvège, un Big Mac coûte l'équivalent d'environ 14,41 $. Wow! Ouais. Et en Suède, c'est seulement 9,08 $. Pour juste le Big Mac. C'est déjà cher. C'est très, très, très, très, très cher. Ici, c'est combien? Honnêtement, je sais pas. Juste le sandwich? Je pense que c'est genre 5 $ quelque chose. Peut-être 6 max. Il me semble juste le hamburger Big Mac. Là, c'est deux beaucoup, étages. Me semble. Mais le trio, c'est pas comme 8 $? Ah, je sais pas. Mes proches... Écoute, ça dit-tu à quel point j'achète souvent c'est des ça. Big Macs? Va voir ça, les Big Macs. On veut savoir. On va aller s'en acheter un directement après la clinique. On fera ça pour la malbouffe de la semaine. Non, tu vas manger tout seul, je suis désolée. On va maintenant, on retourne aux États-Unis avec Dumb Starbucks, qui est une parodie des Starbucks, qui a été arrêtée. En fait, c'est une campagne publicitaire pour une émission de télé. Donc, la semaine passée, il y avait eu l'ouverture du Dumb Starbucks. Et on a annoncé plus tard que c'était Comedy Central qui avait fait cette blague-là pour leur émission Nathan For You de Nathan Fielder, donc c'est un humoriste américain. Donc, ils mettaient Dumb devant tout. Donc, c'était Dumb Starbucks, t'avais des Dumb Latte, t'avais des Dumb... Ils vendaient des Dumb CDs de musique, des CD de musique. Donc, t'avais... Tout était Dumb dans le magasin. Et donc, on a révélé que c'était une campagne publicitaire et Starbucks avait pas encore demandé de fermer cet endroit-là. Mais par contre, à Los Angeles, le LA County Department of Health Services a dû fermer le Dumb Starbucks parce qu'ils n'avaient pas de permis pour vendre des affaires, des produits de café. Là. Donc, c'est ça, cette parodie-là qui n'est pas terminée encore. À la conférence de presse de Nathan Fielder, ils ont annoncé qu'un autre Dumb Starbucks ouvrirait à Brooklyn. Donc, on va évidemment en reparler. Le Dumb Starbucks est une promotion obligée pour la série Nathan For You, qui est une émission où Nathan Fielder va aider, entre guillemets, des commerçants à améliorer leur entreprise et peut-être faire plus d'argent en leur faisant faire des choses absolument absurdes. Cette émission-là est fantastique. J'ai regardé la saison 1 au complet, j'adore. C'est donc Nathan For You, ça joue sur Comedy Network au Canada. Vas-y. Moi, je reviendrai sur le Big Mac. Oui, s'il te plaît. J'ai trouvé, en fait, c'est une source sûre, c'est une source fiable. C'est le site de protégez-vous.ca avec qui parle de ton indice Big Mac. Donc, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, je te crois. Bon. Je te croyais pas avant. Non, puis t'as vraiment la liste des prix de, ben, pas de tous les pays, là, parce qu'il y en a comme plus de 200. Hein. Mais le moins cher, ça semble être les États-Unis. Je sais pas si vraiment ça te surprend. Qui vaut 4,07 $. Sinon, ensuite, on a le Canada qui est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, peut-être pas. Je pense que c'est en ordre alphabétique, finalement. C'est décevant. Le Canada, 4,73 $. Donc, ça équivaut à 5 $. Bon, parce que je pense qu'ils ont mis ça sur la base du dollar américain là, pour que ce soit... Comme moi, tantôt, c'était aussi le dollar américain. C'est ça pour vérifier. Donc, c'est ça. États-Unis, 4,07 $. Canada, 5 $. Sinon, Égypte, 2,36 $. En Égypte, là, c'est vraiment pas cher. En Inde, 1,89 $. Mais faut pas oublier qu'il y a certains endroits où c'est probablement pas la même viande à l'intérieur parce que peut-être qu'il y en a qui mangent pas de bœuf. Mais c'est pas grave, c'est pas cher. Ouais. Bon, donc, je te dirais que l'Égypte, c'est vraiment cool. Ouais. Ouais. Fait qu'on s'en va en Égypte. Et effectivement, le plus cher, c'est en Norvège à 8,31 $ samedi ici. Je sais pas c'est en quelle date, là. On s'entend avec les le taux de change, etc. C'est ça, ça. Donc, c'est sûr que ça change. Cool, merci Steph. Ça fait plaisir. Maintenant, on s'en va. On est passé de partout, de toutes les régions du monde. On est allé à Paris, on est allé en Norvège. Là, on s'en va juste à l'international, sur la planète au complet. C'est des marques zombies dont on parle. Quand une marque s'éteint dans un pays comme les États-Unis, ben quand même, des fois, ça peut revenir en zombie ailleurs. C'est ce qu'on nous dit. Il y a des marques comme Panam, Woolworths et Mr. Donut qui sont revenus, qui évidemment ramèneraient sûrement la nostalgie chez les Américains. Mais dans d'autres parties du monde, c'est des marques qui sont encore juste dans le présent et des marques normales. Ça n'a aucun rapport avec la nostalgie. Donc ça, c'est selon Bloomberg Reports au Japon. On offre plusieurs marques américaines là-bas et des marques vraiment dans le présent. Mr. Donut, qui était avant un compétiteur de Dunkin' Donuts aux États-Unis, est devenu une grande filiale avec plus de 1100 endroits au pays. Les entrepreneurs ont acheté les droits de ces magasins-là. Il y a plus de 10 000 magasins partout dans le monde, mais seulement un reste encore aux États-Unis. Un. Ah. Bizarre, hein? Pan American World Airways, les avions ici, ils n'ont pas volé depuis plus de 20 ans, mais la marque existe toujours sur des vêtements, des bagages et une série de télévision. Avec, c'est ça que j'allais dire, Panam, ça passe à la TV, ça. Ça a passé. Puis ça n'a pas plus marché que la ligne aérienne, je pense. Hein? Mais encore une fois, on joue ça dans certains pays, cette série-là va continuer à diffuser. Tu sais, il y a des séries comme ça qui deviennent super connues, mais qui aux États-Unis ont duré peut-être 13 épisodes. Je regardais genre... des séries Juste Firefly, oui. C'était très court, mais mon Dieu, pourtant ça a connu tellement un grand succès, mais probablement un succès posthume. C'est donc, très peu d'épisodes, donc tu fais le tour vite, tu reviens au début, tu recommences, puis tu reviens au début, puis il n'y a pas de fin. C'est tellement bon. Ouais. Firefly, la série de science-fiction. Ensuite, d'autres pays qui utilisent des marques américaines qui sont décédées. Par exemple, le Chi-Chi's, un restaurant mexicain qui a fait faillite et qui a eu une espèce de rage d'hépatite A là-bas. Là. Grosse affaire, il a été fermé à cause de l'hépatite A aux États-Unis. Mais la chaîne existe toujours en Belgique, Luxembourg et aux Émirats Arabes Unis. Et puis c'est ça, des fois, des marques peuvent servir à d'autres choses. Par exemple, les magasins genre à 5 et 10 cents aux États-Unis au 20e siècle, Woolworths, éventuellement, ben, ils ont fait faillite, ils ont arrêté de fonctionner. Le nom, par contre, existe toujours en Australie. Il y a Woolworths Limited, une marque de supermarché qui opère 872 magasins, mais c'est plus du tout ce qu'ils faisaient aux États-Unis, qui était un magasin à 5 et 10 cents, comme l'équivalent des magasins à une pièce ici. Ah, c'est bizarre. De nos jours. C'est cool. Ensuite... annonce un petit peu controversée, publicité pour le cancer du pancréas qui dit sur sa publicité « J'aimerais mieux avoir un cancer du sein ». Eh, Seigneur! C'est trash, hein? Ben, c'est ce qui cause une grosse controverse en ce moment. C'est Pancreatic Cancer Action qui se défend de ces publicités controversées-là au Royaume-Uni en disant, c'est ça, les publicités disent qu'ils aimeraient mieux avoir d'autres types de cancers qui ont un taux de survie un petit peu plus élevé. Donc, une annonce imprimée dans la série qui utilise une citation d'une patiente du cancer du pancréas qui a 24 ans, Carrie Harvey, et dit « J'aimerais mieux avoir le cancer du sein ». Et ça dit que le taux de survie est de seulement 3% pour le cancer du pancréas. C'est le plus petit taux de survie de tous les cancers. Ils disent le Pancreatic Cancer Action, et je cite, « Avec un budget limité, c'était vital pour nous que la publicité se démarque des autres et provoque donc un certain cheminement de pensée chez les gens, genre, pour essayer d'influencer un petit peu les gens. » Ça vient de Team Darwin, la compagnie derrière ça, et on dit que ça inclut une vidéo qui montre les visages et les émotions intenses de ceux qui sont diagnostiqués de ces maladies-là. Et ça aussi, ça a attiré évidemment controverse. Mais l'attention que la campagne reçoit va sûrement les aider, va sûrement leur faire que les gens vont leur donner de l'argent. Donc ça pourrait être bon à la fin. Oui, bien souvent, les publicités qui vont justement frapper le plus, que ce soit positif ou négatif, tant qu'on en parle, déjà, ça attire beaucoup l'œil sur le sujet. Mais reste que c'est une façon assez étrange de le faire, mais bon, ça fonctionne pour eux, tant mais mieux. Mais c'est celle qui décape le plus, si on veut. Les autres, je pense que ça passe quand même bien. Oui, oui. Les autres, c'est bon. Ils disaient que j'avais rien. Je les ai crus. Ne faites pas la même erreur. L'autre dit, j'ai travaillé dans un hôpital où les gens avaient le cancer. Je connaissais pas les symptômes. Puis là, ben, elle-même a eu un cancer. Donc, c'est ça. Allez voir la petite publicité vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite, une pause commerciale qui est faite entièrement de Lego. Hey. C'est vraiment très bien. Au Royaume-Uni, sur ITV, c'est un grand réseau là-bas. Donc, pour annoncer le Lego Movie, le film qui est en cinéma depuis quoi, 2 semaines, ils ont, à la place de juste faire une bande-annonce comme on le voit à la télé classique, dimanche soir, il y a quelques semaines, le diffuseur a dévoué une pause commerciale complète pendant un épisode de Dancing on Ice. OK. Où les vedettes dansent sur de la glace. C'est fascinant. OK, c'est plus Dancing with the Stars. C'est un dérivé, je pense. OK, elles sont rendues sur la glace. Pas sûr, mais je pense que oui. Okay. Bref, ils ont refait des publicités connues au Royaume-Uni, entièrement en Lego. Donc, 4 publicités bien connues au Royaume-Uni. La première était une version plus courte d'une publicité de 2012, très classique au Royaume-Uni. C'est Vinnie Jones CPR, une publicité pour la Fondation britannique du cœur. Donc, c'était suivi par une publicité de 30 secondes, refaite pratiquement image par image pour Confused.com, ensuite pour BT et pour Premier Inn. Une courte publicité du Lego Movie était diffusée entre chacune des publicités. Donc, si vous allez voir sur assemblagerequis.com. Et en fait, je l'avais préparé. Donc, me voilà super prêt. Mais entre chaque publicité de 30 secondes, il y a juste un personnage du film Lego Movie qui va passer, mettons, le personnage de Star Wars qui va faire aller son lightsaber. Puis là, ça montre le logo de Lego Movie. Puis après ça, ça passe à la prochaine publicité. Puis là, une autre pub, puis un autre truc. Donc, on va écouter juste le début parce qu'elle est vraiment bonne en plus, la pub originale, la première du bloc. C'est avec un gars qui montre comment faire la réanimation cardiaque. Ah! Voici une pause publicitaire tout à fait spéciale. Le film Lego. There are times in life where being tough comes et là, c'est le son original de la publicité d'origine. We need a volunteer that ain't breathing. Donc, on voit un bonhomme Lego qui glisse sur le plancher. C'est l'idée de la publicité d'origine. C'est comme un genre de gars de la mafia qui fait semblant qu'il a tué quelqu'un. Dans le fond, on comprend qu'il a tué quelqu'un, mais dans le fond, il est juste dans le. Il y a eu un arrêt cardiaque. Et là, il monte, il allume une boombox sur une chaise avec ses collègues et part staying alive. Et donc, il réanime le bonhomme Lego. C'est cool. C'est vraiment cool. Yeah. C'est un peu le même principe, dans le fond, que l'annonce du Super Bowl, qui ont fait la version humaine et la version chien, c'est ça? Dont on parlait il y a 2 semaines dans cette même chronique. Tout à fait, tout à fait. Tu m'écoutes, j'aime ça. Ensuite, allez voir les publicités d'origine ainsi que les publicités refaites en Lego sur assemblagerequis.com. Ah, ça vaut la peine, le travail est quand même colossal. Et là, on s'entend que c'est pas un commun des mortels qui a fait ça, c'est pour le réseau ITV et les Lego Movie. Donc, ils ont vraiment travaillé avec sûrement un budget incroyable pour faire ça. Oui. En tout cas. Ensuite, tiens, les chats. Hein, si on veut cibler les chats dans la publicité, c'est assez difficile parce que les chats, ils s'en sacquent pas mal. Ils n'en ont rien à voir de vos publicités, rien à faire. Donc, c'est ça, ça a l'air évident comme solution, mais pour que les chats portent attention à votre publicité que vous envoyez par courrier, hein, par la poste, vous avez qu'à tremper ces dépliants-là dans l'herbe à chat, évidemment, et regarder les chats perdre leur tête. C'est ce qu'une agence de Vancouver a fait, Rethink, et le nom de l'agence. Ils ont fait ça pour un client qui était une marque de litière. Donc, dans la petite vidéo en bas, on le voit vraiment très, très bien que les chats sont attirés par l'enveloppe. Il y a donc le parent du chat qui va voir que c'est une publicité de litière et qui va peut-être acheter cette litière-là. Je trouve ça tout à fait brillant. Du génie. C'est pas illégal. C'est pas illégal, ça. C'est comme envoyer de la drogue à un ancien addict. Un ancien accro à la drogue. Oh, wow. Ensuite de ça, une autre publicité vidéo. Je ne vous la montrerai pas, mais je vais vous la décrire. Je pense que ça va faire le travail de juste la décrire. C'est pour célébrer les Jeux olympiques de Sochi, évidemment, 2014. BBDO Toronto a créé une publicité très dramatique qui va amener les téléspectateurs à comprendre et à voir que les athlètes des Paralympiques ont encore plus de talent, et ça, je pense que c'est assez facile à voir, encore plus de talent que les gens qui n'ont pas de handicap. Oui, on s'entend, c'est une coche au-dessus, là. Tu sais, t'as du mérite pas mal plus, en tout cas. T'as du mérite aussi là, à l'autre, là, mais l'autre, t'en as encore plus, mettons. Donc, en utilisant un effet de Letterboxd, un petit peu comme au cinéma où t'as des grosses barres noires en haut et en bas, on voit seulement une très, très fine ligne de l'athlète. Bien, évidemment, c'est plusieurs athlètes dans plusieurs sports olympiques. On les voit un après l'autre, faire du ski, faire du snow, peu importe. Et donc, on voit la fine bande. Et plus la publicité avance, plus les bandes noires rapetissent et plus la bande du milieu avec l'image agrandit. Et à la toute fin de la publicité, on voit que ces personnes-là sont des athlètes avec un handicap. Donc, la campagne force le téléspectateur à voir ça sans le savoir. Parce qu'au début, tu penses que c'est des athlètes olympiques avec tous leurs membres. C'est vraiment cool. D'ailleurs, les Jeux paralympiques qui se déroulent du 7 au 16 mars. Et moi, à chaque Olympique, mettons aux deux ans. Ouais. J'aime vraiment beaucoup regarder les Paralympiques et je pense que je devrais me forcer pour les écouter encore plus parce que c'est vraiment impressionnant. Ben, mais hein, c'est impressionnant. 7 au 16 mars. Génial. Et pour terminer, ah tiens, c'est notre support auditif publicitaire de la semaine dans le bloc pub. C'est une chanson, on reste dans le domaine des Olympiques, pour l'équipe jamaïcaine de bobsleigh. Tu sais, les Jamaïcains en bobsleigh font toujours parler d'eux parce que tu vois l'ironie ou le paradoxe entre quelqu'un qui est en Jamaïque où il n'y a aucune neige et le bobsleigh où c'est un sport de glace. Ils se pratiquent où? Ouais, tu sais. Y a-t-il des pistes intérieures? Je sais même pas. Mais ils s'entraînent beaucoup et ça fonctionne bien parce qu'ils réussissent à se classer une fois de temps en temps. Donc, l'équipe de bobsleigh jamaïcaine a inventé une chanson reggae synchronisée avec la piste de Sochi. Précisément, donc vraiment celle qu'ils utilisent pour les Jeux olympiques. Okay. Donc, ça fonctionne avec la forme de la piste de course. C'est Draft FCB New York et le Jamaica Tourist Board. Donc, c'est évidemment pour attirer les gens en Jamaïque. Là. C'est quand même l'idée derrière tout ça. Donc, c'est appuyé sur Play exactement au même moment que l'équipe de Jamaica de bobsleigh démarre sa course. Il va y avoir une synchronisation entre quand il tourne à gauche et quand il tourne à droite. Ah, c'est cool. C'est vraiment une excellente idée. Donc, allez voir la petite vidéo. Il y a même un petit vidéoclip animé, style 8-bit, qui va par-dessus. Donc, on va pouvoir même écouter ça et se quitter avec ça pour la chronique Le Bloc Pub. C'est cool, hein? Start out feeling nice. You know we do it right. To the right. Freezing night, watch Jamaica slide by. To the right. It's bobsled time. To the left. It's bobsled time. To the right. Flight top speed on this ice wall. Green, black and yellow, so we not go fall. So we not go fall. So we not go fall. Last turn, keep your head down with the finish line. You're in the rock and roll town. Run the track, run the track, run the track. It's bobsled time. Run the track, run the track, run the track. It's bobsled time. Run the track, run the track, run the track. It's bobsled time. It's bobsled time. Au retour, on révèle le groupe qui sera aux soirées cachées. C'est fou. Restez là, assemblage requis. It's bobsled time. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. OK, donc on arrête l'intro, on arrête. Breaking news! Stéphanie Paradis! Stéphanie Paradis, t'as retrouvé tes clés! Ben oui, dans ma sacoche. Non, mais j'ai mis jamais dans ma sacoche. Mais tout de suite, à la vitesse à laquelle je suis partie ce matin. Ben, mais c'est pas une excuse, ça! Ben là! Moi, je pense que ça se mérite vraiment un petit. Ouais. Histoire pas folle. C'est pas comme si j'avais déployé. Le squad tactique, là, pour... Non, mais on a annoncé en nombre que tu cherchais tes clés, fait que moi, je trouve que ça a l'air complètement fou. Ben non, voyons donc, il y a personne qui s'est soucié de mon sort, là. C'est peut-être un petit peu ma faute aussi, parce que tu l'aurais pas dit, c'est à côté de moi. Ben non, je suis pas folle de même. Donc, dans moins de 3 minutes, on va révéler enfin qui sera le groupe présent aux soirées cachées, c'est fou, de ce soir. Mais avant, voici Muzzle Blast, une très, très, très bonne chanson de The Darcys, tout de suite, à Assemblage Ricky. Puis restez là, ça s'en vient dans même pas 3 minutes. Ben, 3 minutes 39. Le temps de la toune. C'est ça. 39. J'étais proche. S'il y a d'autres breaking news, de même, si tu trouves d'autres choses dans ta sacoche qui vaut la peine d'être mentionné, tu me diras. Le banana case! Ah. Muzzle Blast de Darcy's. Darcy's. Assemblage requis. De Darcy's. Hey, dans comment ma tête. C'est pas copyright, là. C'est Céline qui va nous poursuivre. Non, j'ai de Darcy's. OK, OK. Donc, toujours assemblage requis. On a tellement, tellement de choses prévues pour aujourd'hui, mais je pense que le point G, presque, de cette, oui. de cette émission-là, c'est de révéler qui va être le groupe ou l'artiste quelconque en vedette aux soirées cachées. C'est fou de ce soir. Et pour en parler, on reçoit Joe Côté, bien sûr. Et tout, c'est Magali Goulet. Non, c'est ça? Camille Goulet. C'est ça. Camille Goulet. J'étais à ça. T'aurais dû me le demander. C'est ça. Camille Goulet, je la connais pas encore, mais j'apprends à le connaître. On me croise une fois de temps en temps dans le corridor. Tout le monde me dit c'est Camille, c'est la fille qui passe tout le temps. C'est celle-là, c'est celle-là. Une vraie vedette. Je te connais pas partout. Fait que je t'ai jamais vu. Mais bonjour. Bonjour. Et bonjour à toi. Donc, on va aller dans l'ordre un petit peu pour les soirées cachées parce que ça a lieu une fois de temps en temps. La dernière était au milieu de l'automne. Ça fait combien d'éditions des soirées cachées? Celle-là, c'est la quelième? La quelième. Je pose des questions de même. Troisième année, les soirées cachées. Troisième année. D'accord. Donc, il y en a quand même eu, je pense, au moins 5-6 dans ces coins-là. Souvent deux par session. Exactement. Est-ce que tu te rappelles de certains artistes qui sont passés performer sur les scènes? Oui, on a eu Rouge Pompier, on a eu Fanny Bloom, on a eu Olinéa, on a eu Kid Kona à la session passée. C'est tout à fait vrai. Et tout le temps, des endroits hétéroclites. Il y a eu la passerelle du pavillon de la santé. Il y a eu le pavillon de par le papier. CIPP. CIPP. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme endroit? La chapelle. Oui. Le hall d'entrée du pavillon Pierre Boucher. Oui. Voilà. Oui, je me rappelle. Puis la salle de théâtre au Benjamin Cyr. Wow! C'est tout le temps des endroits bizarres. Et là, depuis... pas depuis quelques temps, mais là, celle-là, c'est à la Chasse-Galerie. Ça, on l'a su plus tôt cette semaine. Oui. C'est pas un indice qu'on avait à donner parce qu'on l'a déjà mentionné en nom. Donc, Chasse-Galerie, c'est à 22h ce soir. Donc, on invite tout le monde à y aller. Est-ce que ça coûte quelque chose? Non, c'est gratuit pour tous. Ben voyons donc. Ben oui. Ah ben, quand on est fin de même. Outrage! donc, vous êtes deux étudiants de l'UQTR. Si vous êtes sur ce comité-là des soirées cachées, en quoi est-ce que vous étudiez tous les deux? On est en loisirs, évidemment. Quelle surprise! Hein? Loisirs, culture, tourisme. Et puis, on s'est embarqué dans ce projet-là, justement, pour donner un premier projet là, à exploiter en tant que futur écréologue. Alors, je pense que c'est une belle occasion pour Camille et moi de travailler là-dessus, comme dans le comité organisateur, justement, de donner un premier petit défi dans le programme, là, pour aller chercher un peu d'expérience en dehors du marché du travail et du stage. Alors, c'est un beau projet. Et à date, ça va bien? Vous aimez ça? C'est cool? C'est pas moi, trop... je capote. Est-ce que c'est vraiment difficile d'organiser, trouver un artiste? Ouais. Et faire approuver par ses fous. Ouais. C'est ça, non, pour que ça fitte. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. C'est cool. Ouais. Est-ce qu'on donne des indices pour essayer de se rendre jusqu'à la devinette? Parce que Stéphanie est une as détective, je pense. Pas en tout. Non, pas vraiment. C'est parce que, en tout cas, oui, j'espère. Parce que mon idée, là, ce que j'avais soulevé, c'était pas ça. Parce que j'ai vu leur planning. Okay. Puis ils sont pas ici de pantoute. Ben non. Est-ce que ils tu... sont pas ici, non. Est-ce que tu veux, Stéphanie, rappeler les indices que tu sais jusqu'à maintenant? On va voir si ça va défaire un petit peu la liste de Joe. Mais tu vas pouvoir après ça nous dire qu'est-ce que tu as deviné que c'était. Fais ton Columbo, là. Fais ton incroche. Non, mais j'ai pas ma liste, là. Pardon. Tu veux que je me mette à fumer des cigarettes? C'est ça. Porte un trench coat. Fermé. Fermé? Fermé. Ah, non. Je sais que c'est un groupe. C'est-tu vrai? Oui, ben oui, c'est un groupe. Entre 3 et 10 membres. Oui, c'est déjà bon. Ça compte les bras et les jambes. Oui. Donc, c'est Martin Deschamps. Bravo! Je veux pas être associé à ça, s'il vous plaît. OK, excuse-moi. Puis le troisième indice, c'est pas Sylvain Cossette. Exactement, oui, c'est une bonne indice. C'est pas Sylvain Cossette. C'est bon? Ça. Fait que je pense que ça réduit quand même de beaucoup les possibilités. J'en ai un autre. Il aurait été sur le palmarès au moins depuis janvier 2014. Donc, quand même assez récent. Donc, c'est sûr qu'on connaît ça. Ça veut pas dire qu'il est encore. Oui, mais je pense que oui. OK, tu penses qu'il est encore là en ce moment? Il me semble que oui. Prends-toi une feuille, je prends ma feuille. Oui, alors, c'est une formation qui a joué au Francofolie. Bon, OK, c'est en français. On enlève le top. Moi, je déchire ma feuille. De Montréal. C'est une formation qui a sorti son deuxième album le 4 février dernier. Deuxième album. 4 février, c'est très récent. Ça fait même très pas quoi, deux semaines, trois. Très récent. Mm. Et c'est une formation qui compte 6 membres, dont 2 violonistes. Violonistes. Ça m'aide tellement pas. Violonistes, attends un peu. J'ai Canaille. Non. Non, OK. On c'est est dans tout, l'électro moderne un peu. Électro moderne. Ok, monogrenade. Oui. Hey! Monogrenade ce soir. What? C'est donc bien incroyable. À 22h, monogrenade à la Chasse Galerie, c'est gratuit pour tout le monde. Wow! J'ai même pas besoin de chercher. En plus, hey, j'imagine que ça va être une soirée explosive, ça. Explosive. Joke de grenade. C'est fort. Oui. C'est quand même pas mal fort. Ou une soirée pleine de pommes. Hein? Pomme-grenade. Refuse. C'est un anglicisme. Ah, tu t'es fait pogner, là. Dommage, ouais. C'est pas en tout cas, ça va être pas mal sweet. Ah, ben, Colin, Monogrenade, c'est génial. Leur album s'appelle Composite. Tu l'as dit, c'est sorti le 4 février dernier. C'est fabuleux. Déjà, en ce moment, la pièce Tes yeux est sur le palmarès francophone. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par celle-là. Allons-y. C'est génial. Est-ce que vous restez? Est-ce qu'on vous dit au revoir? Est-ce qu'on vous remercie? Ou Dites-nous donc au revoir. Au revoir. Ouais. Il faut qu'ils aient préparé les affiches. Exactement. Mais oui. Et sûrement la salle plus tard, les invités. C'est à la Chasse Galerie. Chasse Galerie, 22h. Oui. Exactement. Bien sûr. Amenez votre sourire. Gratis. Amenez votre quoi? Amenez votre grenade. Amenez votre grenade. Oh, ça serait drôle. On amène toute une grenade. Mais c'est gratuit pour ceux qui ont leur grenade oui. ce soir. Ah, si je m'habille en vêtements de l'armée, maintenant je vais au surplus de l'armée. C'est gratuit. Oui. Doublement non, gratuit. Moi, amène le fruit à la place. Ça va être un petit peu moins. Donc, on remercie Camille Goulet. Magali pour les intimes. Magali pour les. Ben, c'est pareil. Ben oui, dans le fond. C'est Mags, Cams, you know. Joe Côté. Bien sûr que je vais appeler Jimmy. Yes. Pour l'occasion, Jimmy Côté. Pour les intimes, Jimmy. Donc, vous êtes à Assemblage Requis, comme on l'appellera, Pelletage Zwicky. Je cherche un autre mot qui rimait, ou qui sonnait pareil. Regarde-moi pas de moi. C'était le nouveau titre d'émission, ça? Oh, oui. Oh. Sinon, je te lance ma grenade. Monogrenade et Tes yeux à Assemblage Requis. C'est le groupe qui va être présent à la Chasse Galerie à 22h ce soir pour un spectacle. Une soirée cachée, c'est fou. Quelle organisation incroyable d'avoir réussi à avoir un groupe qu'on adore comme Monogrenade. Yeah! Mais hein? Moi, je trouve par contre, là, présentement, ce qui me déçoit, là, c'est qu'on a entendu juste une pièce. Ah! Oh. Ouais, c'était pas assez de monogrenade, à mon avis. Fait qu'on vient asseoir. On vient asseoir. Et tantôt, on se fera un petit bloc, il était deux fois, avec deux autres pièces de monogrenade, juste pour être fin que vous autres! C'est vraiment une bonne idée. Je pense que ça va être pas pire, mais on fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va dire ce qui s'en vient plus tard à l'émission. On a les péripéties de JP qui s'en viennent tantôt. Oh. Deux fois de suite, d'habitude c'est aux deux semaines, mais on avait manqué un petit bout, donc deux fois la suite de ses aventures. Là, on était plus comme aux deux mois, là. C'est ça, genre. Alors, on va aussi faire la bouffe de la semaine. J'ai commencé à entrevoir le coin d'un emballage de quelque chose. Je veux pas donner d'indices, là. On devrait faire comme Joe Côté tantôt, puis Max, là. pour avoir des indices, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient plus tard, mais peut-être qu'on fera ça. Peut-être pas. Et ce qu'il y a de plus marquant tout à l'heure, ce sera notre voyage. On s'en va à Sochi. Oh! Pour les Jeux paralympiques de Sochi. Ah! Ça a l'air cool, ça. On a ça, c'est fou. On a ça. On a tout, c'est fou. C'est ça. Sauf Sylvain Cossette. Sauf Sylvain Cossette, comme on l'a appris tantôt. C'est ça. Colin, moi, je pense que même du monogrenade là, ça m'irait, moi. Je suis déjà en manque. Moi aussi. J'ai dit tantôt que je ferais ça plus tard, mais ça me manque, là. Mais ce qui est bien, c'est que si vous ne connaissez pas, c'est le temps d'écouter... pour comprendre à quel point c'est important de venir ce soir. C'est ça, et on va y aller avec deux autres pièces. Voici Il était deux fois. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas, encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. C'est Il était deux fois, où on joue deux chansons d'un même artiste et ou groupe. Et aujourd'hui, évidemment, on focus sur Monogrenade parce qu'ils vont être aux soirées cachées. Et on va retourner un petit peu en arrière parce que leur album le plus récent s'appelle Composite. On va entendre une pièce de cet album-là qui n'est pas Tes yeux, qui est sur le palmarès tout à l'heure. Mais on va débuter en reculant à leur album Tantal, qui date de 2011. À peu près à cette époque-ci, février 2011 environ. On va l'entendre leur classique M'en aller. C'est une chanson assez spéciale, très différente de ce qu'on a entendu dans Tes yeux tantôt. Donc voici M'en aller de Monogrenade. Je veux m'en aller où il n'y a plus personne, où coulent les secondes, où coulent les secondes. M'en aller, m'en aller. Deux fois avec deux pièces de Monogrenade. On vient d'entendre leur plus récent extrait du palmarès. Je crois que tantôt, j'ai pas dit la bonne pièce. Donc, c'est celle-là. C'est vraiment celle qui est sur le palmarès depuis à peine deux semaines. Donc, c'est tout nouveau dans ma tête. C'était évidemment la pièce de Metropolis sur leur album le plus récent qui s'appelle Composite. Avant ça, on a entendu une pièce de l'album Tantale qui s'appelait M'en aller. Et on rappelle que Monogrenade va être en spectacle ce soir à la Chasse Galerie. C'est à 22h. C'est gratuit. C'est juste derrière moi, derrière le studio de C'est Fou, dans le pavillon Néré-Beauchemin de l'UQTR. 22h gratuit. Monogrenade. Ça va être malade. Donc voilà, dans quelques instants, on va faire les instructions d'assemblage. On va savoir un petit peu comment vivre. Et plus tard, on va manger de la nourriture dans la bouffe de la semaine. Mais pour l'instant, une petite pause, restez. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Grosse lavette toi-même, c'est Philippe Paradis qui m'écrit des mots de haine sur ce papier blanc. C'est pas fin, ça. Je fais des affiches pour scander mes opinions. À la place d'aider les soirées cachées, nous, on préfère mettre des affiches d'insultes envers les autres. J'étais à dire que c'était... Qu'est-ce que t'as dit? Comment je t'avais traité? De grosse lopette, je pense, quelque chose comme ça. J'ai inventé un mot parce que c'est pas le mot que t'as écrit sur ta feuille. J'étais à dire que c'était pas ce mot-là. C'est un mot plus vulgaire, un mot pour scénario en anglais, vous savez. Vous pouvez laisser aller votre imagination. You know the plot of that movie? C'est un scénario de film. Tu m'as traité de scénario de film, un vrai Steven Spielberg. Exactement. Voilà. Pour l'instant, tout de suite, avant de poursuivre avec du manger, tu sais, qu'on n'arrête pas de regarder du coin de l'œil puis qu'on fait comme salut madame, ça va toi? Tu viens de suivre un chien, là. Mon Dieu, en tout cas. Ouais, ben, je suis facilement impressionné hein, avec la nourriture. Donc, la bouffe de la semaine tantôt, pour l'instant, c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage où on vous dit comment vivre votre vie et où on parle comme des habitants. Voilà. Des habitants. Des habitants. Est-ce pour pas? Oui, ah, miam, hein. Miam, tu me donnes faim. On a parlé de nourriture tantôt, puis tu me disais, ah, ben voyons donc, t'es obsédé par la nourriture. Ben oui, c'est comme ça, mais c'est pas tout de suite. Ben tiens, tu vois, ça commence drôle. Ça commence par un conseil sur la nourriture, toi. Quelles sont les chances de fabriquer des fraises recouvertes de chocolat avec votre bac à glace? Prenez un bac à glace et à la place de mettre de la glace, quand même, vous mettez du chocolat fondu, évidemment. Peut-être préalablement fondu par vous, peut-être acheté fondu, peu importe. Et vous insérez une fraise tête première. En fait, la tête, c'est pas mal le vert. La tête, le nez premier. Le nez en premier. Et les petites feuilles vertes qui dépassent. Ça va faire des belles petites fraises en chocolat. Puis ça va être un petit peu dur, mais pas trop non plus. Ça va être parfaitement mangeable. Moi, ce que j'ai vu, tu sais, on vend souvent des fruits dans du yogourt, mais c'est pas vraiment du yogourt. Moi, ce que j'ai vu, c'est que tu prends des petits fruits congelés là, de ton choix, que tu peux tremper dans du yogourt grec. Après ça, tu le mets tout simplement sur une plaque avec du papier ciré au congélateur. Puis là, ben, ça te fait des petits fruits trempés dans le yogourt, mais dans du vrai yogourt, au lieu d'être une espèce de mixture... chimique. C'est ça. Eh ben, bonne idée. Cool. Tiens, c'était dans Word. Word. Tu sais, comme les jeunes hip-hop sont tout le temps rendus dans la Word. Donc, allez souligner un mot et faites Shift F3. Et ça va transformer ça en majuscule ou si c'est en majuscule, ça va devenir en minuscule. Ça va échanger les grandeurs des lettres. Tout le mot que tu sélectionnes, la sélection que tu prends. Mettons, tu sélectionnes une phrase, ça va être la phrase qui va changer. Tu peux le faire dans ton canevas d'émission, si tu veux. Ça va être vraiment le fun à voir. OK, mais dans le fond, est-ce que ça fait ça tout le temps? Admettons que c'est majuscule. Ouais. Puis, mais c'est parce que t'as deux sortes de majuscules. Ah ben là, ça a enlevé la majuscule au début de mon mot. Là. Parce qu'elle est en majuscule, ça inverse dans le fond, ça inverse. Tu comprends? Mais c'est parce que, comme, c'est ça, tu sais, t'as deux sortes de majuscules. T'as celui-là que tu vas sélectionner dans le police majuscule. Oui. Et t'as celui-là que tu vas faire avec le chiffre. C'est vrai. Mais les deux fonctionnent pas de la même façon. Est-ce que ça marche pour les deux? Je crois que ça fonctionne seulement comme virtuellement. Ça devient des majuscules virtuelles. Je pense pas que ce soit un chiffre, quelque chose. Mais je vais l'essayer. Donc, je vais si tu le copie-colles ailleurs, caps. Ça va peut-être devenir minuscule, c'était déjà un chiffre. All caps. Okay. Ah, ça l'a effacé? Bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé. OK. Ça marche pas. Ça marche pas? Si t'as sélectionné All Caps dans ta police, au lieu de le faire manuellement sur le clavier, ça fonctionne pas ton D'accord. truc. Mais Colin, faut le savoir. Donc, tapez un texte normal, sélectionnez, faites Shift F3 et là, ça va fonctionner. C'est cool. Shift F3, magnifique. Si tu veux regarder une vidéo YouTube qui a une restriction d'âge, tu sais, il y a des vidéos 18 ans et plus, des bandes-annonces de films Red Band avec de la violence et du sexe. Wow. Tu veux les regarder et tu veux pas te connecter à ton compte YouTube ou ton compte Google parce que t'en as pas ou t'es au bureau et tu veux pas te connecté à ça, puis que ça paraisse, tu veux pouvoir effacer tes traces après. Oui, oui. Ce que tu as à faire, c'est... Tes traces. Ouf. De sur ton clavier, ton écran, tu effaces tes traces. Donc, tu peux taper « bouh » devant le mot « YouTube » dans l'adresse. Donc, ça va faire « bouhyoutube.com/ et là, le reste de l'adresse, et ça va le débloquer. « Bouh » comment? « B-O ». Ah, pas de « H ».« Bouh » comme un fantôme. Pas de « H ». Non, en effet, t'as bien raison. Non, « B-O ». B-O-Y-O-U-T-U-B-E. C'est comme si c'était un fantôme qui te faufilait. Comme un faux filet, là. Comme au cirque. C'est ça. Au cirque, je pense encore à de la bouffe, moi. micro-ondes, tiens. Micro-ondes, c'est une façon parfaite de cuisiner pour les gens qui n'ont pas envie de faire de la grosse cuisine. Prenez une barre tendre Nature Valley. Nature's Valley, un truc super santé. Tu la mets au micro. C'est-tu santé, Nature's Valley? Ça dépend laquelle. Bon. Donc, t'en prends une qui est relativement bonne pour toi. Tu la mets 30 secondes au micro-ondes et ça va empêcher les miettes quand tu vas la manger. Tu feras pas de miettes partout sur ton bureau au travail. Et en plus, ben, ça va être un petit peu fondant. Peut-être qu'il y a du... Tu sais, des fois, il peut y avoir un petit recouvrement de chocolat dessus. Ça va pouvoir le faire fondre. Ça va être super bon. Nom dans la bouche. Ah, ben, coudonc. Bonne idée quand même. C'est un peu comme... c'est rendu... Il annonce vraiment les céréales chaudes à la télé. Je sais pas si c'était Porn Pops. Les Porn Pops. les Corn Pops ou les Fruit Loops, quelque chose comme ça. Mais ils montraient à la télé de faire bouillir du lait et de les manger chaudes. C'est comme redevenu à la mode. C'était à la mode il y a quelques décennies. Mais bref, micro-ondes, pourquoi pas? Je suis pas sûr que ça m'attire. Les céréales chaudes, j'avais envie. C'est de la job pour rien. T'sais. Bah, le céréal, c'est facile, t'sais. Ben là, de la job. De la job, pour moi. Comprends mon niveau d'expérience. Oui, désolé. Parlant d'expérience, si t'es pas capable de trouver un emploi parce que t'as pas d'expérience, Colin, on te suggère, fais donc du bénévolat. Et tu utilises ça comme expérience dans ton CV. Ah, c'est cool. Très bonne idée. Mais je trouve que ça devient de plus en plus difficile de faire du bénévolat. Ah, parce qu'ils acceptent pas n'importe qui. C'est pas parce que c'est une job pas payée qu'ils peuvent prendre n'importe quel incompétent non plus. Puis souvent aussi... Les endroits où tu pourrais faire du bénévolat sont pas nécessairement accessibles, c'est pas nécessairement affiché partout. Donc, il faut vraiment que tu cherches beaucoup parce que ceux qui s'affichent, bien souvent, ils ont plus besoin de personne parce que justement, les gens veulent y aller. Ouais. Par exemple, moi, j'avais donné mon nom il y a 4 ans environ pour faire du bénévolat pour Emma Québec, pour les collègues de sang. Ils m'ont rappelé cette année. Ça a pris 4 ans quand même. Mais là, j'avais plus de temps. Ben, plus de temps. Étant donné que j'étais étudiante, on s'entend, je pouvais être là dans le jour. Donc, c'était beaucoup plus facile. Mais là, avec un emploi, je trouvais que ça fonctionnait pas vraiment parce que t'as vraiment un nombre d'heures requis. Donc, je pense que ça vaut la peine de chercher à des endroits qui sont peut-être moins affichés. Aller proposer nos services sur place. Exact. Et ça existe du bénévolat, le fun, tu sais. Ben oui. Ça existe. Maintenant, ça c'est un petit peu une attrape. Je te dirais que c'est peut-être une blague à jouer à quelqu'un. Quand tu fais une petite fête, mettons, là, tu sais, des Smarties et des M&M et des Skittles, ça se ressemble visuellement pas mal, tu sais. Oui. Pas mal. À part la lettre écrite dessus. À part la lettre. Tu pourrais peut-être l'effacer dans ce cas-là d'une certaine façon ou la licher. Ça pourrait être encore une meilleure blague. Mais mélange des Skittles, des M&M, des Smarties dans un même bol et le goût. Tu t'attends tellement pas, mettons, tu penses que c'est des M&M, tu manges un Skittle, surette, tu peux mettre des surettes en plus dedans. Oh. Tu sais pas, là, que ça s'en vient, fait que ça te prend par surprise. C'est mais non, mais après ça, tu fais juste penser que c'est des Skittles, puis tu veux plus rien savoir. Mais là, tu t'attends à un Skittles, puis tu manges un M&M, mettons. Fait que la surprise est tout le temps, là. Non, mais ouais. Ben, je sais pas, moi, je serais déçu, je serais pas tant sur les Skittles. Pour vrai, on a essayé l'autre jour, t'avais aimé ça. Ouais, j'aime ça une fois de temps en temps, okay. Mais j'ai pas de rage aucune de Skittles, alors que des M&M, oui. Miam, parce on est que rendu. Moi, c'est vraiment le chocolat. Ouais, on est rendu avec une machine de Skittles juste à côté du bureau, à côté des petites framboises en jujube et des chocolats entourés. Ben. Pénétrer de peanuts. Les chocolats entourés d'amandes. Comment ils font ça? Ben voyons donc, toi. Le gras de tes cheveux, Steph. Je parle du gras de tes cheveux en ondes à la radio, c'est quand même quelque chose. Mais le gras de tes cheveux... J'ai pas de gras dans mes cheveux. Ils sont tellement juste en santé, en pleine forme et doux. J'imagine de loin, en tout cas, ils ont l'air assez... Je me fais aller comme dans une annonce de shampoing. Ça fait de la bonne radio. Oh, je me donc, le gras de tes cheveux. A tendance à s'accumuler sur ton oreiller, sur ta tête d'oreiller, tu savais ça? Tu savais ça? Donc, pendant que tu dors, le gras de ta face, le gras de tes cheveux, tout ça, ça va aller dans le tissu de ta tête d'oreiller. Donc, on suggère de changer les têtes d'oreiller au moins 2 fois par semaine pour éviter de dormir sur ta propre huile, sur ton propre gras de corps toute la nuit. Mais admettons, peux-tu faire 3 jours sur un côté d'oreiller, 3 jours de l'autre côté, puis le laver après? C'est une très bonne question, j'imagine que oui. Ça doit pas passer bord en bord quand même. Je suis pas si graisseuse que ça. La graisse est comme, oh, il y a un autre bord à ça. Ça glisse. Ça va de l'autre bord. C'est pas bon. L'image est vraiment belle. Ouais. Après ça, je m'imagine un chocolat en train de fourrer avec une peanut. Mais... Hein? Hein? Une amande. T'as tombé comme de la pornographie étrange. C'est ça. C'est de la pornographie qu'on appelle. Je l'ai pas compris. Ça, les cheveux graisseux. Encore une fois, graisse de cheveux. Évite de mettre du revitalisant directement sur la racine de tes cheveux. Tu devrais revitaliser ou conditionner ou crème rince, comme la famille à ma blonde dit. Rince-crème. Ils disent du crème-rince, eux autres. Crème rince. Mais je pense que c'est la traduction à l'envers, tu sais, en français, t'es supposé inverser les mots, fait que souvent ils se sont dit cream rinse en français, rince crème, crème rince. Ben c'est banal. C'est même pas à l'envers, t'as bien raison, c'est à l'endroit. C'est rince crème. Rince crème, mais c'est... En tout cas, ma mère disait rince crème. J'ai dit rince crème longtemps. Ben c'est laid. Fait que, tu sais. Ouais, mais tu penses que c'est ça le mot? Tu penses vraiment que c'est vrai? Du rince crème. Mais c'est pas ça, c'est du revitalisant. On dirait que plus je le dis, plus je trouve ça étrange, du rince crème. Mais imagine crème rince, c'est encore pire. Bref. Si t'as les cheveux graisseux, évite de mettre du revitalisant sur tes racines de cheveux. Donc, à la place, tu devrais revitaliser à partir du bout et juste un petit peu la portion du bout de tes cheveux. Dépendant de la longueur, évidemment, si t'as des cheveux longs comme toi, tu fais juste pas les racines, tu fais tout le reste, ça va être comme le 3/4 de tes cheveux. Ça en prend beaucoup. Ça dépend de la longueur, puis ça prend beaucoup de revitalisant ou du rince-crème. C'est en effet cher. En plus, c'est très cher. N'est-ce pas? Ça dépend lequel. C'est cher. Si tu vas, ça c'est une crosse, si on veut, et je la conseille pas du tout. En fait, je trouve ça malhonnête et ça donne une mauvaise image aux gens comme moi qui ont des problèmes. Je révélerai pas tous mes problèmes en ondes, je pense que vous allez comprendre. Ça nous dit d'aller à la salle de bain au travail, parce que à la fin de l'année, ils vont t'avoir payé à ton emploi environ 40 heures par semaine juste pour être en train de faire tes besoins de toilette. Tu sais, c'est ce que c'est. Je trouve ça complètement absurde parce que c'est ça. Moi, j'ai besoin d'y aller beaucoup trop souvent par jour, puis c'est vraiment pas pour niaiser. Mais non, mais ça, rendu là, je veux dire, tu vas pas aux toilettes pour le fun. Rendu là, c'est un besoin. C'est loser, c'est en effet un besoin. C'est un besoin. Un numéro 2 pour emporter. J'adore ce conseil-là, un petit peu plus intelligent celui-là, c'est d'installer Dropbox sur ton téléphone cellulaire. Comme ça, si ton téléphone est volé, tu sais, il y a une option dans Dropbox quand tu l'installes qui te demande, voulez-vous envoyer chaque photo que tu prends avec ton appareil, la renvoyer sur le serveur de Dropbox et là, tu as accès sur tes ordinateurs, ton iPad, etc. Donc, si un voleur vole ton téléphone, prend des photos dans l'appareil photo natif du iPhone, l'application Dropbox le sait, l'envoie sur le serveur et tu peux voir une photo de la personne qui te l'a volé. Ah. C'est intelligent, maudit, tu pourrais retrouver des indices peut-être. Donc, à l'inverse, si jamais on vole un iPhone, c'est pas le temps de faire des selfies ou de prendre en photo son adresse. OK. Son téléphone, genre avec le numéro d'affiché dessus, je sais pas trop quoi. Faites pas ça, t'sais. Faites pas ça. Écrivez des courriels aux grosses compagnies, OK? Une grosse compagnie, t'achètes un produit, tu leur envoies un courriel, tu leur dis, tu sais, j'achète tout le temps tes produits, genre, je suis vraiment un fan de vos produits, mais là, présentement, je suis pas satisfait de votre produit. Ils vont vous en envoyer plein d'affaires gratuitement. C'est ce qu'ils font, les compagnies, pour te garder. Ben, moi, j'avais vu tout simplement d'écrire des compliments, puis tout ça, puis que, justement, ils avaient reçu plein de trucs comme par la poste. Pis j'ai essayé, puis j'ai rien reçu. Ah, ils ont fait plaignes. Merci! Mais les autres, ça a fonctionné. Je comprends pas pourquoi moi. Je voulais avoir de la soupe de tomate. La soupe de tomate. J'ai écrit à Elmer. Directement à M. le maire? Monsieur Elmer. T'as écrit à M. Yves Lévesque. Bonjour, M. le maire. Monsieur le maire. J'aime bien votre soupe de tomate. J'aimerais bien ça d'avoir une canne gratis. C'est la soupe de tomate du Elmer. Elmer. En tout cas, je la trouve bien bonne, ça. C'est ça, mais plaignez-vous. Ça va peut-être être plus efficace qu'être trop gentil. Ensuite de ça, très pratique pour vous, mesdames, qui portez des robes ou des petites blouses de soie et de satin, j'imagine, mais qui sont très, très glissantes. Sur vos cintres, sur vos supports, insérez des élastiques. Donc, sur le bout de vos cintres, enroulés sur vos hôtes, là, sur le haut de vos... Ouais, on se comprend. Donc, mettez des élastiques, entourez-les sur le bord de votre support et ça va empêcher votre blouse ou votre robe de tomber, c'est bien simple. Mais tu sais quoi? Quoi donc? Je l'ai fait déjà. Bon, quinte, oui. Ben oui, mais souvent, c'est parce que l'encolure est beaucoup trop échancrée. Tu parles donc bien, bien toi. Donc, ça l'open. Là, tu parles moins bien. Ça s'écarte. Ça glisse sur le cintre. Wow, hein. Mais avec le caoutchouc d'élastique. Le caoutchouc? Ça reste d'accord. Là. Wow. Un punch maintenant, une idée pour faire un punch qui goûte très très bon. Un punch, on parle d'un drink, là, une petite boisson souvent à tendance féminine, surtout lorsque tu lui donnes le nom de Tiffany Punch. Dans ce cas-ci, c'est deux ingrédients très très simples et ça goûte exactement pareil comme des Jolly Ranchers. C'est bon les Jolly Ranchers. Ben oui. Les petits bonbons durs super surettes, là, bref. Mélangez une part en bourse d'une canne de Hawaiian Punch bleu. C'est quoi ça? C'est du jus de fruits au bleu. C'est au bleu, sûrement genre framboise bleue. Effectivement, tu peux acheter n'importe quel jus qui est framboise bleue. Okay. Mais bon, Hawaiian Punch, qu'on nous suggère bleu, ça existe. Et une partie de limonade jaune Country Time. Évidemment, ajustez ça avec votre goût québécois de limonade sans nom. Oui, quelqu'un a rajouté et une part de vodka. Oui, en effet. Ben, c'est, oui, t'as pas le choix, là. Moi, honnêtement, j'irais plus avec le rhum blanc. Rhum blanc, OK. Ouais, rhum mais blanc. Peut-être mettre, si vous voulez mettre de l'alcool pour pas changer le goût, peut-être que vous devriez mettre beaucoup plus de jus pour compenser pour le goût de l'alcool. Pour non, ça goûte le Jolly Rancher. Tu y vas au goût, c'est là, ça. On s'entend. Juste une petite once de rhum blanc, ça changera pas tant le goût que ça. Là. Non, mais le taux d'alcool, par contre. Moi, j'irais plus avec du curaçao bleu. OK. Finalement, je suis en train de le réinventer complètement. Totalement. Mais là, il faut que ça goûte quand même le Jolly Rancher. Bon. Alors là, vous n'avez pas le goût du Jolly Rancher. Ça s'appelle le Tiffany Punch. Allez voir la recette sur assemblagerequis.com. Ensuite, quand vous jouez... ben, Carl, non, c'est vraiment... Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. C'est tellement mauvais, mais je vais le dire quand même parce que j'ai commencé. Mais c'est une phrase très cute. Que vous soyez en train de jouer à un jeu ou taper un travail pour l'école, sauvegardez à chaque 5 minutes. Mais tu sais, c'est tellement évident. Ben non, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment le contrôle S, un petit peu maniaco. Obsessif-compulsif, hein, comme on dit. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Parle d'obsessif-compulsif, hier, on a remarqué que les machines à bonbons, leur petit guidon en avant pour... Leur guidon. Leur petit guinadon pour... leur petite pogne. Pogne pour faire sortir les petits bonbons. Là. Il y en a qui sont à l'envers, c'est comme niaise-moi donc, ça. Ils sont tout à l'envers, sauf un. Sauf un. C'est comme les prises de courant. Le petit bonhomme, là, c'est un petit bonhomme sourire. Hein. C'est pas juste deux yeux avec un chapeau, là. Mais non. Pas ça, là. Les poignées de porte, là, la clé, elle va les dents par en haut. Là, forcez-vous. Là. Ah. T'as juste une job à faire, la mettre à l'endroit. T'sais. Imagine, il y en a qui ont le robinet d'eau chaude puis d'eau froide à l'envers chez aïe eux. Aïe, aïe, non, non, non, non, non. Hey. Hey, hein, c'est ça. Non, mais bref. Wow, hein. J'ai dit wow. OK. Glissez à gauche ou à droite sur votre application calculatrice sur votre iPhone, iPod Touch, appareil iOS. Si vous swipez, vous glissez avec votre doigt de gauche à droite. En fait, de gauche, de droite à gauche. En tout cas, ça va effacer un chiffre. Fait qu'essayez les deux bords. Ah ouais? Ça va effacer le dernier chiffre que t'as écrit. Donc, à la place de faire cancel et recommencer au début, tu fais juste un chiffre. C'est du génie, ça. Là. Mais faut que tu fasses ça sur l'écran où il y a les chiffres? Ouais. Hein? Swipe! Je vais essayer ça. Swipe. J'ai justement des chiffres à additionner tantôt. J'avais justement des chiffres que je voulais effacer, puis là, je voulais pas faire cancel, ça aurait tout annulé. Je voulais juste effacer plus de dernier. Ça fait deux semaines que c'est là, puis j'attends de trouver une solution. ça, j'aime beaucoup les photos qui sont beaucoup trop petites. J'ai de la misère à vous les lire, donc je vais faire mon gros possible. Ah, attends un peu, je pense que je peux me rendre. Oh, une coche de trop. Oui, OK. Donc, des discussions à avoir, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un que tu vois pas souvent. t'as tendance à lui dire, bon, hey, il fait beau dehors. Small talk. Hey, les Canadiens, hier, c'est plat des discussions de même. Donc, à la place, on te fournit un petit calendrier sur assemblagerequis.com avec vraiment les mois de l'année et les phrases à dire dans une période de l'année donnée. Ah! Par exemple, commençons, mettons, en février. Tiens, comment vont tes examens de mi-session ou tes études pour la mi-session? Pas pire, ça. En mars, qu'est-ce que tu vas faire pour la semaine de relâche? Hein? Comment s'est passé ta semaine de relâche? Hein? En avril, quand, peux-tu croire que c'est presque fini l'hiver? Presque fini. Ça va finir juste là. En mai, comment va ta fin de session? Hein? Ou qu'est-ce que tu vas faire cet été? Hein? L'été? Moi, ça marche pas, là, comment va ta fin de session au mois de mai. Là. Faudrait le ramener au mois d'avril pour ici. Peut-être pour les adolescents au secondaire, quelque chose comme ça. L'été, tiens, ah, c'est pas la chaleur, hein, c'est l'humidité qui fait chaud. Hein. Ouf, ça c'est plate en maudit comme ça. Non, mais ça arrive tout le temps. Tout le temps. En novembre, qu'est-ce que t'as fait pour l'Halloween, exactement, tu sais? Je sais pas, en décembre, tiens, mettons, qu'est-ce que tu vas faire pendant la pause d'hiver? Hein? Comment vont tes examens de fin de session? Donc ça se répète, c'est cyclique cette affaire-là, tu sais. Donc allez-y, le petit calendrier, faites-vous imprimer ça sur une carte d'affaires. Vous allez avoir l'air tellement brillant. Ben là, brillant. C'est vraiment mauvais. OK. Ensuite, tes souliers sont trop serrés, Steph. Oui. Je te dis ça, là, tu devrais t'arranger avec ça. Moi, je pense que j'ai pieds enflés. Je pense que oui. Donc, c'est parce que t'arrêtes pas de me botter en dessous de la table. Donc, tes souliers sont trop serrés. Mets trois épaisseurs, trois paires de bas, une par-dessus l'autre, OK, sur chacun de tes deux pieds, dépendant, un pied, deux, on juge pas, là. Moi, j'en ai deux. T'as deux pieds, parfait, ça cool. Fait six bas. Je vais te viser pour toi, tu vas mettre six bas sur tes deux pieds. Et tu vas passer le séchoir pendant 10 minutes. Où ça? Sur tes souliers. Dans tes cheveux, là. Non, ça aurait pu être sur les pieds, là. Non, c'est que tu mets tes souliers. Tu mets tes trois paires de bas, tu insères ça dans tes souliers. Ah, t'as sauté cette étape-là? Ah, excuse-moi, c'était tellement comme logé dans ma tête. OK, tu mets tes trois bas. C'est complexe, ça, comme processus. Oui, j'avoue. OK, étape 1. Tu mets ton pénis dans la boîte. Non, ça c'est Dick in a Box de Justin Timberlake avec Kelly Samberg. C'est pas ma faute. Donc, on met trois paires de bas. Richard dans la boîte? Ouais. Richard? Donc, tu prends tes trois paires de bas, tu les mets sur chacun de tes pieds. OK? Tu insères tes pieds, étape 2, dans les souliers. Étape 3, tu passes au séchoir pendant 10 minutes à chaud. OK? Et ensuite, étape 4, ça va devenir lousse. C'est pas pire, ça? Mais là, faut que t'enlèves deux paires de bas, puis là, tu peux remettre tes souliers. Là, tu peux remettre tes souliers avec juste une paire de bas, préférablement, oui. C'est ça. Okay. C'est ça. C'est exactement ça. Ensuite, quand c'est ta dernière année de cégep d'université ou peu importe, un endroit où tu as une carte étudiante, perds ta carte. Oups, Colin, je l'ai perdue dans un stationnement chez Bulk Barn. Tu arrives, tu dis j'ai perdu ma carte. Ils vont t'en donner une nouvelle. La date d'expiration va être resetée. Tu vas pouvoir avoir une autre année de rabais, peut-être même plusieurs années, dépendant de comment ton école fonctionne. C'est une crosse encore, ça. Hein? J'ai-tu le droit de partager une crosse que j'ai faite? Vas-y donc, va. Que quelqu'un que tu connais a fait. Ta meilleure amie en fait, c'est ça? Oui, donc moi, j'ai une amie, l'année passée, tu sais, elle était plus aux études. Puis souvent, il y a des librairies, quand c'est une étiquette blanche sur les livres, donne 15% de rabais pour les étudiants. Okay. Là, mais moi, l'année passée, j'étais plus étudiante, mais j'avais ma vieille carte qui avait expiré au mois d'août. À août? Puis là, je l'ai sortie, j'ai ma carte étudiante. Je me suis dit, au pire, ça va passer. Là, elle me dit, elle est expirée, tu sais. Fait que pour pas avoir l'air, pour pas que mon amie ait l'air conne, tu sais, elle a dit, mon Dieu, je suis désolée, j'ai oublié ma carte, ça, c'est ma vieille. Et la caissière a dit, c'est pas grave, je vais te le mettre pareil cette fois-là. Pour cette fois-ci, ouais. Fait que là, tu peux avoir le 15% étudiant. Mais ça marche juste l'année suivante, la date de péremption, là. Il faut pas ambitionner non plus. Ton amie est forte, quand même. Ça ici, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est pour vous montrer que des fois, les choses ont l'air plus pleines qu'elles le sont vraiment. Dans le fond, c'est une façon de vous dire que le verre est tout le temps à moitié vide et non pas à moitié plein. C'est triste. C'est un peu triste. Les copes de ramen, si tu coupes le cope de ramen à la verticale pour enlever la paroi, le côté sud de votre pot de ramen, vous allez voir que les nouilles sont en fait un petit cube, si on veut, un cylindre, mais au milieu du cup de ramen. Fait que t'as l'impression qu'il y en a jusqu'aux trois quarts, mais dans le fond, il y en a juste même pas la moitié dans ton cup. Ouais, mais dans le fond, ça change pas grand-chose parce que c'est écrit le poids sur le cup de soupe. Puis quand il y a des poids, c'est écrit des ingrédients aussi. Que des poids. Justement, ce que je viens de vivre là, ça s'appelle un malaise. Ça s'appelle être gêné d'avoir dit quelque chose. Si tu te fais prendre en train de faire quelque chose de gênant en public... Genre d'essayer de soutirer un rabais étudiant. Genre, tout ce que t'as à faire, c'est de dire « Ah, quelqu'un m'a lancé un défi, il m'a gagé quand j'étais pas capable de le faire. » Ah! Oh, c'est un défi, tu sais. « Hey, oui, je l'ai réussi, ton défi, Dick! » Dick! Dick in a box. Ensuite de ça... Ça, c'est comme quand t'achètes quelque chose de gênant, que ce soit à l'épicerie, n'importe quel magasin, mais peut-être pas à l'épicerie de Panard. Achète une carte de souhait avec... Oui, on l'a déjà dit, ça, c'est vraiment un très, très bon conseil. Je pense un des meilleurs. C'est fantastique, là. Du lube et une carte de fête. Et un cocombe. Malgré que là, ça peut être « Bonne fête, chérie! » Penche-toi! Wow! Ensuite, tu sais, la méthode de T-shirt pour faire du tie-dye... Ouais. Tout le monde sait comment faire du tie-dye avec du colorant et tout ça dans la laveuse. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de mettre du ruban adhésif en bande, par exemple horizontal, vertical ou différents patterns, peut-être même une grille. Vous mettez du ruban collant et vous faites votre dye après ça et ça va faire des lignes blanches à l'intérieur du dye. Donc, vous allez peut-être pouvoir faire, mettons, comme ici, un arc-en-ciel de couleurs avec des lignes blanches qui traversent ça. C'est vraiment cute. Mais c'est beau sur le devant, mais j'aime pas vraiment les champs d'eau. Où le motif arrête comme à mi-chemin. Donc, ouais. Le dos qui est tout d'une couleur puis que le motif commence vraiment à la couture du côté. J'avoue. Moi, honnêtement, je suis pas fan de ça. Je préfère quand ça s'atténue, mais pas quand il y a une coupure nette. Ça a l'air bizarre de vue de côté, mettons. Ça. Ben, ouais. J'imagine que c'est possible de le faire tout le tour, là, mais beaucoup trop de travail pour moi. Ouais. Mais de faire, c'est super beau. Oui, c'est ça. Donc, c'est avec du ruban collant, du ruban adhésif bleu. Mais je suis tellement pas manuel, je suis sûr que ça chierait. Ça, peux-tu trouver un meilleur mot, prise 2? Non, chirer. Ah, ça déchire. Ça chirerait. OK, chire, comme le verbe en anglais, to shear. Ouais, je vais te le partager. D'accord. Quand tu fais tes ongles, ce qui m'arrive fréquemment, donc tu veux évidemment mettre du petit vernis sur tes ongles, ben quand tu utilises la colle Elmer, ça c'est le même que la soupe, hein, je pense, c'est là, Elmer l'évêque. Donc, tu vas utiliser de la colle Elmer autour de ton ongle, tu vas laisser sécher. Tu vas te défouler complètement avec ton vernis à ongles. Tu vas dépasser sur la Elmer. Tu dépasses une mer comme il fait sa route en roulant à 160 km/h. Et ensuite, tu vas enlever ta colle de ton doigt. Et ton vernis va être exactement de la forme de ton ongle. Mais là, il faut que tu fasses attention en appliquant la colle de ne pas dépasser sur ton ongle. Parce que sinon, ça va faire l'effet inverse. Ah, j'avoue. Ben oui, c'est exactement. Fait que tu débarrasses le problème en créant un autre, finalement. Puis honnêtement, là, je trouve ça déjà long de mettre du vernis. S'il faut en plus que je me mette de la colle tout le tour, oubliez-moi. Mais c'est flap, ça va être correct, ça va passer plus vite. Là, je vais dépasser. C'est un conseil des instructions d'assemblage. Ouais. Ensuite, on va aller avec celui-là, tiens, pourquoi pas. Oui, un autre truc culinaire. Ouvrez un Oreo, OK, et mettez du chocolat fondu et des guimauves rôties à l'intérieur de votre Oreo. On appelle ça des S'moreos. Oh! Ça, c'est une maudite bonne idée. Ça a l'air bon. On ouvre un Oreo, du chocolat fondu et des guimauves rôties. Donc, cuite, là, c'est pas ça le mot pantoute. Là, c'est chauffé, fondu, grillé, voilà. Voilà, sauté. France Cute, maintenant, la personne la plus toxique autour de toi est celle qui se plaint de tout mais n'apprécie rien. Éviter ces gens-là à tout prix. Ben là, je travaille avec toi. On n'est plus amis, là, finalement. Dorénavant, on arrête ça. Yeah. Sors de mon studio. Taxi! Britney Spears, ça. C'est Britney Spears, ça. Je me souviens pas de l'âge, j'ai juste lancé le mot au hasard. C'est sûr que tes vêtements sèchent plus rapidement dans la sécheuse, bien sûr. La laveuse. La chasseuse. On va mettre le vêtement dans la laveuse, comme disait Bruno Blanchet dans le temps. Toi, t'as dit quoi? La chasseuse. La chasseuse. Donc, mettez-y une serviette propre qui va absorber l'eau. Ça va sécher plus rapidement. Ouais. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Ouais, puis celle-là, elle va être humide après? Ben, tu vas pouvoir la laisser sécher sur son porte-serviette. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, des points de pression sur les mains, les jambes et les pieds. Tu sais, est-ce que c'est pas réflexologie? C'est quoi le nom de ça où on paye sur des endroits pour... c'est ça? Oui. Bon, bref. La réflexologie, mais façon grand public, un petit peu pour les nuls. S'il y a quelqu'un qui est nul, c'est bien moi. Donc, je vais essayer de comprendre ça. C'est de pogner avec ton pouce de la main droite. J'imagine qu'on pourrait faire le contraire, mais on va y aller avec le dessin pour être sûr de bien les faire. Là. Tu prends ta main droite avec ton pouce et l'intérieur de tes autres doigts et tu vas appuyer entre l'index et le pouce de la main gauche dans le petit pli bizarre. Le mou. Dans le mou, juste au-dessus, ben, un petit peu après le mou, donc vraiment là où c'est tendre, là où ça a l'air d'une aile de poulet. Miam. Juste avant l'os, là. C'est ça, ben, tu mets de la sauce sur le doigt. C'est juste de la peau. C'est l'endroit exact où on met le citron et le sel lors d'un tequila bang bang. Tequila bang bang. Voilà. Donc, il fait ça. Et moi, je sens pas, peut-être pas dans ma tête, parce que c'est supposé être pour le mot de tête, les mots de tête frontaux. Bref, c'est supposé être pour ça, ce point de pression-là. Oh, mais c'est pas instantané. Non, c'est pas instantané, là. Mais je sens quelque chose quand même en appuyant sur le muscle. Là, tu vois que tu sais, t'appuies sur quelque chose. T'appuies pas dans le vide, t'appuies pas dans le gras. T'appuies sur quelque chose que tu sens et c'est là que tu dois peser pour un mal de tête frontal. Là, ça vient que ça me fait mal à la main, par exemple. C'est bizarre, c'est un muscle. Ensuite, sur le côté de la jambe, un petit peu sur ton. C'est le tibia qui est entre. Sur le côté de la jambe. Sur le côté. Sur le côté. Pas sûr. En tout cas, bref, ça mais dépend. Sur le côté de votre jambe, un petit peu en haut de la cheville. En fait, je dirais au tiers entre la cheville et le genou. Appuyez là, et ça, c'est pour les maux de tête, sur le côté de la tête. OK. Quand même intéressant. Et on a aussi sur le petit orteil, je dirais à mi-chemin entre la cheville et le bout de ta petite orteil, donc à peu près entre le tiers et la moitié de là. Quand tu appuies là, c'est supposé aussi faire du bien pour tes maux de tête. Donc, allez voir l'image pour savoir vraiment exactement comment le faire, mais je pense l'avoir relativement bien expliqué avec mes mesures de distance. C'est pour les maux de tête. Cool. Ensuite, tiens, pour ceux qui aiment les extensions YouTube, les extensions Chrome, pardon, pour Google Chrome, on a parlé récemment de l'extension pour bloquer les publicités sur YouTube et autres. C'est tout le monde devrait avoir ça. Il y a une autre extension qui s'appelle YouTube Center. Si tu décoches ce qui s'appelle l'option Dash Playback dans les paramètres, il n'y aura plus de buffering pendant la vidéo. Parce que YouTube, depuis quelques années, à la place de... Quand tu fais pause sur une vidéo, on a déjà parlé de ça, mais quand tu fais pause avant, ça chargeait le reste de ta vidéo pour pouvoir la regarder d'un bout. Donc nous, à la radio, évidemment, on faisait ça, on chargeait, la vie allait bien. Depuis quelques années, vu que ça abusait de leur serveur, alors que les gens finissaient pas de regarder la vidéo, ils regardaient juste le début, donc le buffering ne servait à rien, ils vont par tranche. Donc ils appellent ça Dash Playback. Ça joue par pointillé ou par trait d'union. Ça charge un petit bout de quelques secondes. Quand tu as fini de l'écouter, c'est en train de charger l'autre juste quelques secondes avant pour moins surcharger leur serveur. Si tu télécharges YouTube Center et que tu désactives Dash Playback, ça va redevenir comme c'était tout d'un coup. Oh! C'est beau, hein? Je te l'avais dit qu'il y avait une solution à ça. Il y a une solution à tout, ma chère. C'est l'idée de la chronique, d'ailleurs. Yes! On aime ça. Ensuite, tiens, on reste dans... on retourne en fait à la nourriture. On y va avec un grinder. On aime tous grinder sur le dance floor. Donc, c'est à la place, je sais pas, à la place de grinder du sel et du poivre dans votre salière barbecue poivrière, c'est de mettre à la place des bonbons nerds. Oh! Quelle excellente idée pour mettre sur une crème glacée, sur un gâteau, sur n'importe quoi de sucré, mettre des petits nerds qui sont un petit peu plus... Ça ajoute un petit kick, genre... qui fait du coincer des joues, là, tu sais. Ouais, du surette, là. Du surette qui se coince les joues. Mais dans un grinder à sel ou à poivre, des nerds, c'est la même grandeur, donc ça va être super facile à passer dans le moulin. Ça va être absolument parfait. Donc, moulin à nerds. Là, j'imagine, il faut que tu en achètes un œuf pour pas qu'il y ait un arrière-goût de sel ou de poivre. C'est ça, ou de le laver, le laisser tremper au moins quelques temps dans du CLR. Non, pas du tout. Malgré que ça va partout, hein. Ben oui, mais pour vrai, je sais pas si ça fait vraiment une différence de goût de mettre ça sur la crème glacée. Moi, je dirais que sur certaines sortes de crème glacée, comme mettons à la vanille, ça rajouterait un vrai petit quelque chose de nécessaire, je pense. Ben, ça donne vraiment le goût d'essayer ça. Très tentant. Moi. On revient à YouTube dans un désordre des plus totales. Si vous appuyez sur la lettre K pour faire pause sur votre vidéo, OK? Vous êtes en train de regarder une vidéo. D'habitude, moi, j'aurais tendance, c'est ce que je faisais, appuyer sur la barre espace. Oui. Si t'es pas focusé sur la vidéo, ça va juste descendre ta page. Si t'es focusé sur la page, ça descend la page web, la barre espace. Oui. Donc, il faut cliquer sur la vidéo et après ça, faire espace. Donc, tu viens de perdre l'intérêt de le faire parce que tant qu'à ça, t'aurais pu juste cliquer sur le bouton pause du Mais vidéo. Mais ça fait pas ça sur YouTube. Mais ça, moi, ça me le fait toujours sur tout.tv, je crois. Aha. Oui. En tout cas. Mais si vous êtes sur YouTube, si vous appuyez sur la lettre K, ça va faire pause, peu importe où vous êtes dans la page, que vous soyez dans la vidéo ou pas. La lettre K pour faire pause. Ah, ouais. Comme dans Break. Pensez-y, Break, K. Il y a un K à la fin. Break. Je vais essayer ça. On va tous l'essayer. Si vous essayez d'enlever le sucre de votre diète, faites congeler des bananes. Elles sont beaucoup plus sucrées comme ça et vous allez avoir une petite collation santé. C'est bien ça. Mais aussi, plus elles sont vieilles, plus elles sont sucrées au goût. Mais là, vieille, on s'entend, là. Mais quand elle commence à être tachetée de brun, là, les cheetahs qu'on appelle, là, sont plus sucrés. Wow! Pour ça, c'est l'idéal de faire de la crème glacée de banane, là. Faut qu'elle soit cheetah style. Miam. Ça a l'air bon, tout ça. Je vais y aller avec deux petits derniers, deux phrases cute, tiens. On va y aller avec celle-là. Si tu t'attends à quelque chose en retour après avoir fait quelque chose de gentil pour quelqu'un, ben c'est que t'es pas si gentil que ça. Oh. C'est bon. Et pour terminer, être, dans le fond, la moralité, est-ce qu'on peut dire ça en français, la moralité, donc tout ce qui est moral, c'est de faire ce qui est la bonne chose, peu importe ce qu'on te dit, OK? Alors que l'obéissance, c'est faire ce qu'on te dit, peu importe si c'est bien ou si c'est mal. C'est bien, la ça. La différence entre la moralité et l'obéissance, voilà. C'est tout pour les instructions d'assemblage pour cette semaine. Une petite demi-heure bien passée. Bien, super intéressant. Yeah! On s'en va s'acheter un moulin à nerd. Ah, quand même, depuis le temps que je voulais mouliner le nerd. Même ça bizarre.

Simply Protein Crunch. Donc, c'est une collation de protéines. Donc, le but, là, c'est pas de faire un régime de protéines puis d'arrêter de manger. C'est simplement une collation qui va nous soutenir à long terme. C'est une collation croquante de protéines. Donc, moi, j'ai choisi la saveur banane, caramel et noix de cajou. OK? Cool. Il y avait deux autres saveurs. J'ai vraiment hésité beaucoup. L'autre saveur, c'était noix de coco et framboise, qui était, selon moi, un mélange très intéressant. Oui. L'autre mélange, je suis pas certaine à 100%, je crois que c'était citron, canneberge et graines de citrouille. Tout a l'air bon, en effet. C'est des bons mélanges. L'emballage est très simple. Hein? C'est blanc, écrit en brun dessus et avec le dessin de des aliments dans le fond qui constituent la saveur du crunch. Ben, ça fait produit, c'est très minimaliste, c'est très le choix du président. T'sais, on se casse pas trop la tête sur le look, c'est juste un dessin puis de la police de caractère, c'est blanc. En fait, on veut quelque chose d'épuré, ouais. Mais on s'entend, c'était pas le prix du choix du président. Non. C'est pour une collation de 105 grammes, donc ça représente 3 portions, c'était 5,99. Okay. Donc c'était quand même dispendieux pour 3 petites collations. En épicerie, t'as dit? Non, c'était chez Bulk Barn. D'accord. Donc, toujours plein de trucs surprenants chez Bulk Barn. C'est un petit sac refermable, donc ça, c'est toujours intéressant parce que dans le fond, on ne veut pas manger le sac au complet. Il y a 3 portions, donc attention. C'est écrit en gros ce que ça va nous apporter à l'intérieur par portion. Donc, 110 calories, quand même 10 grammes de protéines, ce qui est très, très intéressant, 8 grammes de fibres et 3 grammes de sucre. Donc, on aime le ratio protéines quand même important. Donc, ça nous dit à l'arrière, nous sommes heureux de vous présenter la toute dernière collation légèrement sucrée de Simply Choices, le croustillant Simply Protein. Il s'agit d'une délicieuse collation faite de protéines de lactosérum soufflé, de fruits et de noix qui contient 10 grammes de protéines et seulement 110 calories par portion. Ces bouchées sont le choix parfait à toute heure du jour, lorsque les rages de sucre ne passent pas. Aha. Donc, apportez-les au travail, cachez-les dans votre voiture ou dégustez-les en fin de journée en relaxant sur le divan. Bref, savourez-les, peu importe la manière. Ça va te coûter cher si t'en achètes pour toutes ces situations-là. Donc, nous espérons que vous aimerez notre nouveau croustillant Simply Protein autant que nous. Donc oui, il y a d'autres produits de cette marque-là. Il y avait aussi des croustilles de pois. Donc, moi, je vous avais présenté, est-ce que c'était la semaine passée ou la semaine d'avant? Il y a 2 semaines, ça fait beaucoup de fans, ça, les croustilles de pois. Hein. Donc, les croustilles de pois, y en a des Simply Protein, donc vraiment bourrées de protéines, mais avec des saveurs ajoutées. Donc, c'était pas seulement la saveur de pois. Donc, eux, ils offrent, je crois que c'était comme tomate et basilic ou piquant, barbecue, des trucs comme ça. Donc, il y avait 3 saveurs. À 1,99 le sac, si ça vous intéresse, toujours chez Bulk Barn. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, on sait qu'il y a 110 calories, très peu de gras, très peu de sel, quand même beaucoup de sucre, mais beaucoup de fibres. Donc, on sait que les fibres font partie de la catégorie des glucides. Et aussi beaucoup de protéines. Donc, c'est très intéressant comme produit parce que ça, les protéines, ça va vraiment nous soutenir à long terme. Donc, c'est pas quelque chose qui va passer dans le beurre là, comme collation. Donc, ça va nous soutenir tout l'après-midi ou tout l'avant-midi ou toute la soirée, c'est peu ça. Importe quand vous décidez d'y goûter. Est-ce que t'es prêt, Mathieu? Je suis prêt depuis le début, ça a l'air tellement bon. OK. On a chacun un bol de couleur. T'as le rose et le rouge. Le rose et l'orange. Mais avant de verser, on doit déballer l'emballage. Donc, je baisse la trame. Je trouve que ça fait le même bruit de semaine en semaine. C'est ça, on dirait qu'on a des emballages de la même sorte. Mais bon, c'est du papier d'aluminium, évidemment refermable. Donc, on enlève un petit bout de plastique de l'emballage en haut. Et là, il reste une étape. Ouvrir le zip. Oh! D'habitude, le zip, ce qu'on remarque dans les produits qui sont refermables, des fois, le zip n'est pas fermé c'est à la base. C'est exactement ce que je me disais. Ça me surprend, donc là, ben, sur le fond, c'est fermé. C'est un gage de fraîcheur. Oui. Hein? Moi, j'aime ça. Non, on va y aller à l'odeur voir. D'accord. Ça sent vraiment beaucoup la banane. Tant mieux. Donc, on rappelle la saveur, hein? C'est banane, caramel et noix de cajou. Donc, oui, ça sent vraiment beaucoup la banane. Oh, hey, la forme est très intéressante. Je sais pas si tu peux voir, mais c'est vraiment plein de petites boules collées. On dirait du popcorn vu de loin, hein? Mais c'est vraiment plein de petites boules. Oui, on l'entend. On aime le son. Verse dans hein? le bol, dans le micro, là. C'est vraiment trop intéressant. C'est trop de bonne radio. Wow. On dirait de la bouffe à chien quand c'est versé comme ça dans un bol, mais bon. Quand même. À moins que tu trouves. Là, je vais essayer de séparer de façon équitable. Ben, tu peux en garder plus pour toi, c'est quand même ton 6$. Ben non, moi je partage. Généreuse. Puis là, si c'est dégueulasse, je vais te dire, pognon à manger autant que moi. Parfait. Donc, je prends mon bol qui est orange, je t'ai gardé le rose pour toi, évidemment. Évidemment. De près, ça ressemble moins à du popcorn. On dirait juste un amalgame de petits pois. On dirait du, je dirais, des pois verts, mais blancs, d'accord? Et collés ensemble avec une consistance mielleuse, je trouve. On dirait d'apparence mielleuse, en tout cas. Je vais m'en prendre un bundle, une grappe, comme on appelle, je crois, en français. Oui, oui, un bundle, oui. Ça sent vraiment la banane. Est-ce que tu sens la banane? Je sens la banane, mais... Ça sent la banane et les fraises, on dirait. Rappelle-moi, c'est quoi encore? C'est banane et caramel? Banane, caramel et noix de cajou. Je sais pas si c'est à cause de l'usine qu'il y a des fraises aussi, mais ça sent un peu le fraise-banane style à mon nez. Ouais, à mais moi. Probablement que chaque aliment que tu as goûté ou mangé à la saveur de banane devait avoir fraise avec. Donc ça, c'est juste dans ta tête. Peut-être bien. Donc, on va évidemment baisser encore la trame pour vraiment sentir dans la bouche... entendre le crunchy. La grappe. C'est vraiment sucré. J'apprécie. Je prends toujours des trop grosses bouchées dans cette chronique-là. Mais souvent, c'est l'arrière-goût qui va nous révéler si on aime ça ou pas. Je te dirais que, Colin, j'haïs pas ça. C'est très très céréalier, je trouve. Oui, mais en plus sucré, je te dirais. C'est quand même très sucré. Mais c'est parce que ce qui est bien, c'est qu'avec celle-là, c'est très, très protéiné. Oui. Donc, attention avec les céréales qui sont sucrées à ce point-là, ne vont pas nécessairement être protéinées. C'est de consistance sèche, je dirais rugueuse, très rugueuse en gorge. Un peu comme le vin, on va dire, en bouche. Moi, je dis en gorge dans ce cas-ci. C'est rugueux, ça te passe dans l'œsophage. Tu le sens passer, mais dans le bon sens. J'aime beaucoup ce feeling-là, ce sentiment, cette impression-là que ça me donne. Mais c'est très puffy, hein? Ici, j'en ai une petite boule coupée en deux. Et on voit toutes les alvéoles à l'intérieur. Donc, c'est quand même soufflé, là. Ça dit, c'est de lactosérum soufflé. Mais c'est le cas, c'est soufflé, c'est puffy, c'est fluffy. C'est très intéressant, j'aime beaucoup aussi. En effet, je pense que le fraise-banane m'a trahi. J'ai l'impression que c'est la fraise que je goûte dans le fraise-banane, alors que c'est peut-être la banane, parce que j'ai encore le goût de fraise-banane dans la bouche, mais c'est clairement pas à cause de la fraise, parce qu'il n'y a pas de fraise dedans. C'est ça. Bref, c'est Simply Protein Crunch qu'on retrouve chez Bulk Barn en sac quel sac on parle? C'est 105 grammes, donc ça représente 3 portions. C'est vraiment très, très protéiné, donc ça va nous soutenir à long terme. Donc, on aime ça. La liste d'ingrédients est quand même courte. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse aussi. Il y a beaucoup de dérivés aussi de cette compagnie-là. Ils vont faire d'autres choses très protéinées. Donc, ça peut être des bonnes idées de collation, peu caloriques, mais qui vont nous soutenir longtemps et vraiment combler certaines rages de sucre et de grignotage de crunchy le soir, des fois, devant la télé. Ça pourrait ne pas être bon. Moi, si c'était croquant, je le mangerais quand même. T'sais. J'aime le croquant. Pourquoi tu manges pas du céleri et des carottes le soir? Pas des légumes quand même. T'ambitionnes, là, ça goûte à rien. Mais t'as dit croquant. En tout cas, bref, ça me prendra. Ouais, croquant. Ça, c'était la bouffe de la semaine. Évidemment, on doit compenser pour ce truc santé en faisant la malbouffe de la semaine. Et cette fois-ci, édition spéciale un peu, parce que d'habitude, c'est moi qui aurais trouvé le produit. Cette fois-ci, c'est toi qui m'en fais cadeau. Donc, raconte-nous l'histoire de ce Cadbury Caramel Biscuit que t'as trouvé aussi chez Bulk Barn. Ben oui, mais c'était tout simplement à la caisse. Probablement qu'il est sur le bord de passer date, mais ça, on s'en fout, honnêtement. C'est juste les compagnies qui veulent se protéger. Ben tout simplement, c'était en gros spécial. J'ai fait « Colin, j'ai jamais vu ça, c'est sûr que Mathieu va aimer ça, il y a du sucre. » Tout à fait. Donc parlons-en, c'est Cadbury qui fabrique ça. On voit sur le devant vraiment que c'est un petit biscuit avec, dans le fond, c'est un biscuit sec à tendance comme biscuit genre village ou quelque chose comme ça en dessous, recouvert de chocolat. On en parlera tantôt, mais pour le reste de l'emballage, c'est la compagnie Cadbury qui nous rajoute le fait, ils se vantent du fait que c'est une autre délicieuse gâterie à savourer, « crunchy ». Donc, ils montrent une image de la crunchy. Ils veulent annoncer le fait qu'ils font la crunchy et ça. Oh. Donc, peut-être qu'il y a une semblance ou une ressemblance entre les deux. Ça dit biscuit Cadbury au riche chocolat au lait rempli de caramel onctueux. Caramel est écrit avec une police de caractère qui est la même que le logo parce que c'est le nom du produit, ben caramel, oui. Évidemment. Donc, biscuit à garniture de caramel et enrobé de chocolat au lait. Contient du blé, gluten, lait, soya. Ça peut contenir des noix de coco et amandes. Ça nous dit de conserver au sec et au frais, loin de la lumière vive. Et une fois le paquet ouvert, de le conserver dans un contenant hermétique. Ce que personne ne fait. Ou de tout le manger. C'est ça, mais c'est quand même un grand emballage. Oui, ça se dit bien comme ça. 130 grammes. Quand tu m'as envoyé la photo pour me dire hey, « je t'ai amené un produit pour te voler la vedette dans la malbouffe de la semaine », ça avait l'air tout petit. Ça avait l'air d'une barre de chocolat à moins d'un dollar qu'on retrouve à la caisse enregistreuse. Mais non, c'est au moins le triple, sinon le quadruple d'une barre de chocolat normale. Et c'était seulement 73 sous parce que c'était à 75% de rabais. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes fiers, dit Cadbury, de fabriquer des produits Cadbury de haute qualité. Nous serions heureux de recevoir vos commentaires et suggestions. Donc, ça montre qu'ils ont vraiment ça à cœur parce qu'ils nous disent sur l'emballage qu'on peut leur faire des commentaires. C'est du jamais vu. C'est fabriqué au Royaume-Uni par Burton's Biscuit Company, qui est le nom commercial de Burton's Foods Limited. C'est tout à fait fascinant. Donc, on va goûter à ce biscuit à garniture de caramel et enrobé de chocolat au lait en faisant « Ceci est mon corps, ceci est mon esprit » ou peu importe à Stéphanie pour que tu nous le mettes devant le microphone magique. C'est le microphone magique qui va nous révéler évidemment le son derrière ce produit Cadbury. Plus difficile à ouvrir celui-là, ça paraît qu'il y a un défi. Là. Grégory Charles est à quelque part dans le studio. Je pense qu'on n'arrivera jamais. Ah, voilà. Il l'a eu. Tu l'as ouvert à la technique sac de chips presque. Ben ça, non, ça n'a pas marché. Je suis revenu à l'autre avant. C'est bizarre dans les publicités de chocolat comment tout le monde ouvre une barre de chocolat en faisant juste twister le dessus. Ouais. Ça ouvre la barre de chocolat. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, c'est fourni, j'imagine, en emballage de plastique avec des un petit peu comme un Oreo, j'imagine. Tellement qu'il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup plus que je pensais à l'intérieur. Dombe ça dans le bol. Ah non, tu me donnes l'emballage au complet. Ben non, je vais pas mettre mes doigts sur ton chocolat. Merci. On voit le caramel dépassé dès le départ. J'imagine que c'est peut-être pour ça qu'ils le revendent, parce qu'ils ont vu avec leur rayon X infrarouge Superman que ça coulait à l'intérieur. Je vais prendre celui qui est pas coulant, d'accord? Pour vraiment tester l'expérience. Ah ouais, OK. Ça ressemble à des whippets écrasés, visuellement. Oui, on voit aussi le petit quadrillé en dessous. Tout à fait. Tu vois le quadrillé? Le quadrillé de la machine qui a fabriqué ça. Donc, on y va très loin de toute machine électronique. Attention, bouchée. J'ai évidemment pris le truc au complet. Ben oui, c'était pas une bouchée. Tu te l'es tout sacré dans la bouche. Selon moi, ça manque cruellement de caramel. Ça s'appelle caramel et ça ne goûte pas le caramel. Je suis très loin d'avoir filmé ma bouchée en passant. Bon, je vais vous dire à l'intérieur. Ben là, déjà, le biscuit est quand même un peu écrapou. Donc, la forme est un peu difforme. Le biscuit, contrairement au dessus de l'emballage, n'est pas doré. Il est quand même blanc. Toi, tu peux pas vraiment nous dire ça parce que tu te l'es tout sacré dans la bouche. Ben oui. Il est quand même blanc. Tout à fait. C'est pas moins beige que j'aurais pensé que ce serait. Ça reste quand même que ça s'émiette bien, ce petit biscuit-là. C'est un petit biscuit très émietteux, si on peut inventer un qualificatif pour ça. Le caramel, en effet, est pas très présent, mais assez pour que ça vaille quand même la peine. Je dirais que ça goûte exactement comme une version plus molle des petits biscuits qu'on achète en emballage orange célébration au caramel à l'intérieur. Sauf que ceux-là sont beaucoup plus de qualité et ont plus de caramel à l'intérieur. Le chocolat est solide, mais quand même, le goût me fait penser à ça quand même. Dans le bon sens. Là, c'est toi qui es rendu à ne pas avoir terminé ta bouchée. Ben, c'était bon, finalement. C'est très, très bon. Je pense que la bouchée que j'avais prise avait juste pas de caramel. On dirait que le caramel est juste pas très bien réparti à l'intérieur du biscuit. Ben, t'as vu qu'il a coulé dans l'emballage. Donc, peut-être que t'as eu un des biscuits dont le caramel a coulé sur l'emballage. Moi, ce que je remarque en le regardant visuellement, le paquet, il y a quatre rangées, quatre colonnes de deux biscuits chaque. Donc, c'est 8 biscuits qui sont quand même assez gros. C'est un bon pog de biscuits. Ça fait 4 portions. C'est une portion de 2 biscuits, soit dit en passant. tu veux dire pour la valeur nutritive. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je sais qu'on n'a pas parlé la semaine passée. Tu m'as dit on aurait peut-être dû en parler. Est-ce que tu veux regarder? Mais non, mais c'est ta chronique, la malbouffe. Tu veux-tu bien en parler toi-même? Est-ce que j'ai l'air d'un gars qui connaît les valeurs nutritives? C'est écrit sur l'emballage. Je vais faire mon possible. Alors, pour 2 biscuits, 33 grammes, on parle de 160 calories. On parle de 8 grammes de lipides. Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Calcium 2%, fer 2%? De pas être non, très important. Non, c'est sans sac, ça. C'est sûr qu'il n'y en a pas à l'intérieur assez. Les chiffres qui sont plus élevés, 20% pour les gras saturés. Donc, 4 grammes de gras saturés, 0 grammes de gras trans. Voilà. Bon, il y a déjà beaucoup de gras saturés à l'intérieur. on a quand même une certaine quantité qu'on peut consommer. Là. On s'entend que. À un moment donné, là, tu sais, il faut pas virer fou. Je n'en ris pas. Non, mais manger un ou deux biscuits comme ça, c'est pas ça qui va nous tuer, surtout une fois par semaine. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire, de mal manger juste une fois par semaine en onde. Le résultat, on le fait hors onde. Parce que sinon, on s'entend, là, pour 73 sous, pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Tout à fait, c'est un achat gagnant, encore une fois, chez Bulk Barn, qui devrait nous acheter de la pub parce qu'on parle d'eux autres aujourd'hui. Donc voilà, on attend vos produits au 3351 Boulevard des Forges, local, peu importe, 1006B du pavillon des Rébeaux-Chemins. Voilà pour la bouffe et la malbouffe de la semaine. On fait ça tous les jeudis en fin d'émission. C'est vraiment à 9h et quelques, après notre business as usual qu'on se fait en début de demi-heure. Mais ça va être tout pour ça. Et puis, retrouvez les chroniques, évidemment, sur assemblagerequis.com. Toutes les chroniques sont là dans les émissions du jeudi. Penses-tu que les grunge aux bananes, ça serait bon avec du lait? Je sais pas. Moi, je ferais fondre les Cadbury dans le bol avec ces affaires de Simply Protein-là et je mettrais du yogourt, puis de la crème glacée, puis des sprinkles de Nerds qu'on a parlé tantôt. Un beau petit mélange. Dans le blender, tant qu'à ça. Et si vous avez aimé la bouffe de la semaine, évidemment, écoutez, l'original est vraiment le meilleur. C'est Danny Janvier et sa chronique. Et la bière de la semaine, c'est sur l'heure du midi, les jeudis, dans le dîner de cons. Voilà. Et c'est même assez fou. Ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se quitte déjà. On va remercier personne aujourd'hui, à part... on n'a pas eu de chroniqueur, mais on a eu les gens des soirées cachées. Soirées cachées! Donc, Magali, entre guillemets, Camille, ou Camille, entre guillemets, Magali Goulet. Et Joe Côté, Joe on the side, comme je l'appelle, mais que je ne l'ai pas dit dans sa face, mais Joe on the side. on remercie aussi Danny Janvier pour la production de notre montage des Jeux olympiques de Sochi. Vous allez le réentendre, ce montage-là, au Palmarès C'est fou cet après-midi. Si bel job, bel job. Très bel job de la part de Danny. Très beau, très bel job d'acteur de ta part et de celle de Jean-Philippe. Oui. Et il y a aussi eu un texte écrit par moi-même. Mais ça, c'est ça. On s'en vantera pas nécessairement. Sinon, ben restez à l'écoute pour le dîner de con, comme j'ai dit, qui s'en vient à 11h. En après-midi, Mademoiselle Blues est là à 13h. À 15h, ce sera les Palmarès C'est fou avec Stéphanie et moi-même. Ouais. Suivi à 18h d'Alivre ouvert. Et puis à 21h, des filles des audacieuses. Je crois que c'est leur dernière dans cette case horaire-là. Ils vont déménager au mercredi à 19h dans les prochaines semaines. On monte dans le monde de la programmation. Génial. Allez voir cifou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions à lundi 7h30. Tu veux-tu une petite boule? Ouais, j'en ai de mon bord, là. Tu vas pas me lancer quelque chose? Tu vas encore me traiter de grosse lapette, toi? Hein? Non. Ça paraît, là, dans non, ta face. De petites boules! Une petite boule! Hey, moi, j'ai envie qu'on se quitte avec une pièce de Monogrenade parce qu'ils sont en spectacle à la Chasse Galerie et on l'a pas rappelé dans la conclusion. Donc... Eh hey, ben oui, ce soir, jeudi... On manque pas ça. Assez important, c'est gratuit, c'est à la Chasse Galerie, 22h pour l'instant, on écoute Portal, on se quitte là-dessus, on dédie ça à Louise. Salut Louise, Portal. Louise, Portal. Louise, Portal. Bye. Bye. Portal, demain, pour vous. Portal, demain, pour vous.